c'est le 89. Ça, c'est le reste du plan de show. Dans Television Television, Marie Lou Wolfe et Pamela Anderson ensemble dans la série Survie à Série Plus. À quand la version hollywoodienne de Ramdam avec Pamela Anderson qui a un chalet de bébé sur la tête? Dans le segment Geek, c'est l'ex des lumières au sol pour les piétons accros aux téléphones intelligents. Dont des téléphones intelligents plus intelligents que nous et des lumières pour ceux qui sont pas des lumières. Et dans Merci Science, l'énergie du futur fonctionne à l'appel à base d'urine. Le Mathieu Plan de Show commence tout de suite. Et voici celui qui a marqué son territoire partout dans le studio, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue Mathieu Plante, avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui dans l'émission de la semaine du 25 avril 2016, la chronique télévisuelle Television Television, la chronique de sciences, technologies, médecine, merci science, le segment Geek Cénix et même... On devrait avoir le temps pour faire cette fête Ignition à la fin de l'émission, mais pour commencer, on écoute un peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo, encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et la première pièce sur le bord est celle par Technosis. Voici His Theme du jeu Undertale, Technosis Remix OMPS, le Mathieu Plante Show sur Cifou. We'll be right back. Technosis. Et bien c'est His Theme Technosis Remix du jeu Undertale. Mathieu Plante Show. Maintenant c'est Television Television. Télévision, télévision, on parle des nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours. Commençons au Québec, on fait à l'international, au Québec, hein, par la bande. Trois séries québécoises qui sont finalistes dans le cadre du prestigieux Banff World Media Festival qui se tiendra du 12 au 15 juin prochain. La première saison de Mon Ex à moi sur Série Plus se retrouve dans la catégorie Comedy Series, en compétition avec le classique The Big Bang Theory. Blue Moon de la productrice Fabienne Larouche est dans la catégorie Drama Series contre Mr. Robot et Vikings. Et finalement, la quotidienne 30 vies aussi de Fabienne Larouche est finaliste dans la catégorie Mellow Drama, donc mélodramatique, face à Grey's Anatomy. On va vous en reparler quand les prix seront remis. Toujours en termes de prix, Laurence Leboeuf remporte un prix à Paris. Oui, Laurence Leboeuf qui a mis la main sur un prix d'interprétation au festival Sériemania à Paris pour son rôle dans la série de super-écran Marche à l'ombre. Le jury de la presse internationale, composé de 5 journalistes, a préféré l'actrice québécoise aux comédiennes bien connues Géraldine Chaplin et Mathilde Seigner, notamment. Je cite, je ne sais pas encore si ce prix m'ouvrira des portes, mais c'est certain que ce sera le fun. Ce serait le fun, oui, de pouvoir travailler à l'international, que ce soit en anglais ou en français, a écrit Laurence Leboeuf à la presse. Elle tourne en ce moment la deuxième saison de Marche à l'ombre, qui sera diffusée à Super Écran l'automne prochain. Marie-Lou Wolfe et Pamela Anderson seront ensemble dans la série Survie. Oui, ça a fait le tour des médias récemment, mais parlons des détails un petit peu. La nouvelle série québécoise sera présentée en 2017 sur Série Plus. On en sait donc plus sur la série Survie, c'est S-U-R, trait d'union V-I-E, c'est pas le titre final, c'est un titre de travail. Une production originale québécoise pour le réseau Série Plus. Donc, Hugo Dumas de la presse nous apprend que nul autre que Pamela Anderson donnera la réplique à Marie-Lou Wolfe, qui tient la vedette de ce projet chapeauté par Fabienne Larouche, toujours la même. L'actrice canadienne qui a fait les beaux jours de la série à succès Alerte à Malibu, Baywatch de 89 à 99, occupera un rôle d'importance et figurera donc au générique des 6 épisodes d'une heure prévus pour la première saison. Elle y incarnera l'animatrice d'une télé-réalité dans laquelle les couples se mettent à rude épreuve. Marley Wolf, qui tiendra la vedette dans la série, incarnera quant à elle une actrice québécoise prête à tout pour percer aux États-Unis, même à se mettre à dos la plupart de ses contacts du milieu au Québec. Les choses ne se dérouleront toutefois pas comme prévu et celle-ci devra revenir penaude au Québec et tenter de se refaire une carrière en partant pratiquement de zéro. La télé-réalité animée par le personnage de Pamela Anderson pourrait bien être la clé du succès pour elle. Au départ, le projet s'intitulait Trahison et il s'agit d'une idée originale de Marie-Lou Wolfe ainsi que Guillaume Le Métivierge. Celui-ci devait d'ailleurs occuper le premier rôle masculin, mais s'est retiré du projet après la séparation évidemment du couple. C'est Yves-Christian Fournier, le talentueux réalisateur derrière Blue Moon, qui sera derrière la caméra pour la série. Le tournage aura lieu du 7 juillet au 21 août dans la région de Montréal. Allez voir l'article sur showbiz.net pour voir les photos. Ensuite, on reste au Québec. Pour une entente entre NBC Universal et Club Illico, donc Vidéotron, cette entente s'inscrit dans la volonté de Club Illico d'offrir le meilleur contenu récemment produit dans le monde. Les abonnés de Club Illico pourront profiter en primeur des plus récentes productions de NBC Universal. En effet, Québécois Contenu et NBC Universal Television and New Media Distribution Canada ont signé une entente s'inscrivant dans la volonté de Club Illico d'offrir à sa clientèle le meilleur contenu récemment produit dans le monde. Cette entente inclut notamment la version française de films comme Fast and Furious 6, Despicable Me 2, Kick-Ass 2 et plusieurs autres. Donc, ces titres de NBC Universal s'ajoutent au catalogue de contenus déjà offerts aux abonnés de Club Illico. Il y a entre autres des nouvelles séries de NBC Universal, comme Bates Motel et Boomerang, les nouvelles saisons de Sons of Anarchy, American Horror Story, du contenu jeunesse comme Robin des Bois, Spider-Man et les Dalton. Pierre Michaud se retire de l'animation, c'est sorti récemment, il quittera l'écran pour se consacrer davantage à son entreprise. Après 17 ans à V, l'animateur de RPM et RPM+, Pierre Michaud pilotera sa dernière émission le 17 avril, donc c'est déjà fait en fait. Il quittera l'écran pour se consacrer davantage à son entreprise Torque, le groupe. En plus de RPM et RPM+, Pierre Michaud conservera son rôle de producteur pour les émissions Ça va brasser, Aubaine et compagnie et Truc et compagnie. Je ne savais pas que c'est lui qui était derrière ça. La relève à la télé est déjà assurée parce que ses collaborateurs Benoît Charette et Antoine Joubert animeront la prochaine saison de RPM+. Tout comme ils avaient déjà repris le flambeau de RPM l'automne dernier. Soit je ne suis pas cette émission-là, je ne sais pas. Quitte avec 16 saisons de RPM et 3 de RPM+, au compteur. Un nouveau magazine scientifique à Télé-Québec s'en vient à l'automne. Télé-Québec va présenter le nouveau magazine scientifique Électron Libre. Sur le terrain, Pierre Chastenay, Rabi Ramal et Marianne Desautels-Marissal présenteront la science d'une façon participative et le plus souvent directement à la caméra, dans des lieux extérieurs et tout ça dans une facture visuelle moderne. Présentée dans un format de 30 minutes, l'émission sera constituée de reportages, d'expériences et de segments. Les téléspectateurs voyageront d'un sujet à l'autre. Le réputé vulgarisateur scientifique Pierre Chastenay apporte des informations complémentaires et livre aussi avec simplicité des résultats de recherche pertinents, disent-ils. Ces segments sont appuyés par une imagerie techno ou des dessins de Rabi Ramal. Ce dernier pose des questions simples et n'hésite pas à offrir son corps à la science pour tester ou aider à comprendre les concepts qui sont parfois abstraits. Il utilise le dessin comme support visuel. Habile vulgarisatrice Marianne Desautels-Marissal peut facilement accrocher le téléspectateur néophyte tout en, en rassasiant les plus aguerris et adore transformer les points d'interrogation du public en points d'exclamation. Elle suit de près l'activité bourdonnante des centres de recherche du Québec. Tout ça évidemment tiré d'un document communiqué de presse, mais cette émission-là s'en vient à l'automne à Télé-Québec. On passe au Canada en général. En plus des récents changements liés à l'acquisition de Shaw Media, Corus affiche désormais un nouveau logo conçu par l'agence de création Troïka de Los Angeles en collaboration avec l'équipe créative de Corus. Encore une fois, on a exporté le service du logo à Los Angeles au lieu de le faire au Canada. Si je vous le décris, c'est vraiment simple à décrire. Les lettres de Corus sont très très rondes avec les coins droits. Le O est vert. Dans le fond, le logo est noir. Le rond, le O est vert, oui. Et il y a un point à la fin de Corus. Donc c'est Corus, point. Corus. Susan Schaefer, vice-présidente senior marque et marketing de Corus, explique que les raisons de la nouvelle identité, je cite, avec l'acquisition de Shaw Media, nous créons un nouveau Corus. Comme nous réunissons ces deux organisations de premier plan, c'est le bon moment pour redéfinir notre marque avec un logo d'entreprise redessiné et une identité visuelle comme un signal de changement et de notre transformation en tant que nouvelle entreprise puissant, contemporain et avant-gardiste. On rappelle que l'achat de Shaw Media par Corus a été annoncé en janvier dernier, on en parlait ici même. Quant au changement au sein de l'équipe de Corus, on note le départ de Mario Ciccini, président de Corus Media au Québec depuis près de 3 ans. Si certains estiment que ce départ signifie qu'il n'y a plus de Québécois parmi le leadership de l'entreprise, cette dernière souligne le maintien d'une équipe de direction en place à Montréal pour diriger et exploiter Corus Media et ses chaînes de télé spécialisées de langue française. La direction de Corus Media inclut entre autres Brigitte Vincent, vice-présidente de la programmation d'Historia et de Série Plus, Caroline Kearns, directrice générale des ventes, et Carole Bonneau, vice-présidente de programmation de Télétoon et de la chaîne Disney et acquisition de contenu. Toujours au Canada, Bell offre un accès illimité à des films sur demande sur votre télé. Donc Bell lance une nouvelle fonction de Bell Télé pour ses clients. À vous sur Bell, qui est disponible sur le menu de sur demande des services Bell Télé Fibre et Télé Fibre OP, permet de commander des films à la carte une seule fois et de les regarder sans limite. Le premier titre est Star Wars Le Réveil de la Force à 25$. Un accès illimité à d'autres films sera offert sous peu. On passe aux États-Unis. Michelle Obama fera une apparition dans NCIS. La première dame des États-Unis, Michelle Obama, apparaîtra au cours de l'épisode de NCIS qui sera diffusé le 3 mai prochain sur la chaîne CBS. L'épisode 22 de la saison 13 est intitulé Homefront. L'enquêteur Jethro Gibbs, campé par Mark Harmon, se rend à la Maison-Blanche avec l'épouse d'un Marine afin de rencontrer Michelle Obama et d'autres femmes de militaires à l'occasion d'une table ronde. La première dame a accepté cette apparition dans le cadre de l'initiative Joining Forces qu'elle a lancée avec la femme du vice-président Joe Biden, mais sa femme Jill Biden, en 2011. Ce programme de soutien vise à accompagner les militaires, les vétérans et leurs familles. Les autres femmes présentes à la Maison-Blanche au cours de l'épisode ne sont pas des actrices non plus. Il s'agit d'épouses de vrais militaires américains engagés dans la cause. À la distribution de cet épisode spécial, les téléspectateurs retrouveront également Polly Perrette, Sean Murray et Rocky Carroll. Homefront, l'épisode 22 de saison 13, sera diffusé le mardi 3 mai sur CBS. On va chez NBC maintenant. Jennifer Hudson jouera dans Hairspray Live. Oui, elle va interpréter Motormouth Maybelle dans Hairspray Live, selon NBC. Harvey Fierstein, qui a joué dans Madame Doubtfire, jouera aux côtés de la chanteuse qui a incarné Effie White dans Dreamgirls en 2007. L'acteur se glissera dans la peau de Edna Turnblad. C'est le rôle qui était joué par John Travolta dans le film Origin. La production de ce grand direct de 3 heures a été confiée à Craig Zidane et Neil Maron. Basé sur le film éponyme de John Waters sorti en 1988, Hairspray avait déjà été adapté en comédie musicale à Broadway en 2002. Le long métrage qui avait vu le jour en 2007, comme je disais, avec John Travolta et Zac Efron. Hairspray Live sera diffusé sur NBC le 7 décembre prochain. On reste aux États-Unis. Monica Bellucci et Naomi Watts seront de Twin Peaks avec un paquet d'autres gens. Les noms des 217 membres de la distribution de Twin Peaks ont été révélés. La série de David Lynch diffusée sur ABC dans les années 90 fera son retour à l'antenne en 2017 sur la chaîne Showtime. Cheryl Lee et Kyle MacLachlan reprendront leurs rôles respectifs de Laura Palmer et de l'agent Dale Cooper dans cette troisième saison tournée 25 ans après la deuxième. La présence de David Duchovny a également été confirmée. L'acteur se glissera de nouveau dans la peau de l'agent transgenre Denise Bryson. Lara Flynn Boyle et Piper Laurie n'ont pas souhaité revenir pour cette saison 3. Monica Bellucci, Naomi Watts, Amanda Seyfried et Michael Cera y feront également leur arrivée. La nouvelle saison se déroule 25 ans après le meurtre de Laura Palmer commis dans la ville imaginaire de Twin Peaks. L'étudiante a été retrouvée morte près d'un lac recouverte de plastique. L'enquête mettra en lumière les nombreux secrets des habitants et de cette paisible bourgade. Twin Peaks avait été diffusé sur ABC de 90 à 91 et ça va revenir en 2017. Maintenant, Trône de fer, le premier épisode a été piraté plus d'un million de fois. Et ça, c'est en date de la sortie de l'article. D'après le blog Torrent Freak, plus d'un million de personnes ont téléchargé illégalement le premier épisode de la saison 6 de Game of Thrones, Le Trône de Fer, les 12 heures suivant sa diffusion sur HBO via le site de partage de fichiers BitTorrent. En tête des... C'est pas un site en passant, BitTorrent, cher Relax News, c'est un système. En tête des pays qui ont le plus piraté l'épisode, l'Australie, responsable à elle seule de 12,5% des téléchargements, l'Inde à 9,7%, les États-Unis à 8,5%, 6,9% pour le Royaume-Uni à la 4e place. Les Philippines, le Canada, les Pays-Bas, la Grèce, l'Afrique du Sud et l'Arabie Saoudite complètent le top 10. Le blog anglais Torrent Freak relève également que près de 50% des copies téléchargées sont en très haute définition, donc entre 720p et 1080p. Contre 10% seulement pour les saisons précédentes. C'est sûr que tant qu'à télécharger, tant qu'à avoir de la place sur votre disque dur, quelque chose du genre, aussi bien de prendre en très bonne qualité. L'épisode à la télé a réuni près de 8 millions de téléspectateurs devant leur télé. Et à la fin de 2015, Le Trône de Fer avait été élu la série télé la plus téléchargée illégalement pour la 4e année consécutive. On va à l'international maintenant avec une adaptation arabe de L.A. Law qui va devenir la première émission procédurale, donc dans les termes légaux, là, les trucs de cours, dans le Moyen-Orient. C'est une version, de L.A. Law qui va devenir la première procedural qu'on appelle dans le Moyen-Orient, qui va être diffusée dans les Émirats Arabes Unis. Et puis ça dit ici que... qu'on a pensé longtemps à ça. On a terminé récemment l'émission Justice Cab Al-Adala, écrite par l'écrivain américain William Finkelstein, qui a travaillé sur la série d'origine L.A. Law de NBC, en collaboration avec une équipe locale. C'est le nom de la nouvelle émission, c'est ça, c'est Justice Cab Al-Adala. Voilà. Vous pouvez aller voir les détails sur assemblagerequis.com, ça a pris 75 jours à filmer. Et puis, il y a un personnage féminin qui s'appelle Farah, dans cette émission-là. Donc, c'est ça. Ensuite, on va aller sur Internet maintenant. House of Cards prédit le futur selon Kevin Spacey. Kevin Spacey qui connaît un succès énorme grâce à la série House of Cards, actuellement dans sa 4e saison et dans laquelle il incarne le politicien Frank Underwood. Dans la dernière saison, l'émission montre une convention contestée où aucun des candidats n'obtient la majorité des voix des délégués. Et la fiction semble rattraper la réalité car c'est éventuellement ce qui pourrait se passer en juillet lors de la convention des républicains de Cleveland. Même si avec ce qui s'est passé hier soir, c'est de moins en moins probable. Un parallèle que Kevin Spacey n'a pas manqué de soulever lors de son récent passage sur le plateau du Late Show de Stephen Colbert. Comme il a précisé, ce n'est pas la première fois que la série prédit en quelque sorte l'avenir, je cite. C'est arrivé dans toutes les saisons. On a les scénaristes, on a discuté des arcs de où on veut aller, de la direction de la série. On écrit, on filme, et juste avant la diffusion, quelque chose qu'on a fait arrive dans la vraie vie. Dans toutes les saisons, c'est arrivé et on se dit que les gens vont penser qu'on a tout volé au grand titre, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Ce hasard récurrent a donné quelques idées à Kevin Spacey. Pour les prochaines saisons, il a prévu quelque chose de vraiment génial et il espère bien que ça arrivera dans la réalité. Je cite, « On a décidé d'écrire quelque chose pour la série qui serait vraiment génial si ça se passait dans la réalité, comme un don de 965 milliards de dollars américains au National Endowment for the Arts. » On verra si on peut faire en sorte que ça arrive. Le National Endowment for the Arts, une agence du gouvernement américain qui finance des projets représentant l'excellence artistique. Toujours chez Netflix, Netflix retourne sa veste au sujet du hors-ligne, l'espoir du lancement d'une fonction permettant de télécharger des vidéos renaît. Le numéro 1 de la vidéo sur demande sur abonnement a profité de la présentation de ses derniers résultats financiers pour prendre une nouvelle position en matière de la vidéo hors-ligne. Lors de la session de questions-réponses, un journaliste a demandé, je cite, « Quand je prends l'avion, je peux télécharger les séries originales d'Amazon pour les regarder hors-ligne, mais pourquoi pas chez vous? » Rompant avec toutes les réponses données jusqu'alors, le PDG Reed Hastings a répondu, je cite, « Nous nous sommes concentrés sur la beauté et la simplicité du streaming. » Mais à mesure de notre expansion mondiale, nous rencontrons des réseaux inégaux, donc c'est quelque chose sur lequel nous gardons l'esprit ouvert. Jusqu'à présent, Netflix était toujours fermement opposé à un mode hors ligne. Il a été remercié entre-temps, mais il y a un an, le directeur de la communication a même affirmé que ça n'arriverait absolument jamais. Netflix n'a jamais expliqué pourquoi il refusait de proposer un mode hors ligne qui permettrait pourtant à ses abonnés de profiter du service dans les transports, tels qu'en avion ou en train, ou avec des connexions instables, tels que dans des pays émergents dans lesquels il s'est récemment lancé. Néanmoins, on peut penser que c'est une problématique de droit, comme l'indique la question et la réponse. Le journaliste rappelle effectivement qu'Amazon propose le téléchargement des contenus dont il détient les droits. Le PDG parle quant à lui de la simplicité du streaming qui vaut probablement au moins autant pour le diffuseur, pour les négociations avec les producteurs que pour ses utilisateurs, nous dit Klubik.com. En somme, Netflix est une des, sinon la meilleure réponse au piratage de films et de séries, mais il se pourrait que ce soit encore les ayants droit qui incitent les utilisateurs à trouver des parades aux contraintes qu'ils imposent pourtant eux-mêmes. Toujours chez Netflix... Netflix qui se fait voir avec Snapchat en France. L'agence parisienne Darewin a déployé une campagne d'affichage utilisant la populaire application FaceSwap afin de promouvoir les séries et le compte Snapchat de Netflix. Les images promotionnelles permettent aux gens intéressés de se photographier, d'échanger leur visage avec celui de leur personnage favori, puis de relayer le résultat sur les réseaux sociaux. Évidemment, donc il y a un petit bonhomme sourire sur l'affiche où vous devez poser votre face en prenant une photo du poster et ça va changer la face entre le personnage de Daredevil, entre autres, et votre visage à vous, le personnage de série locale en France. C'est quoi celle-là? Je me rappelle pas celle-là. Il y a Orange is the New Black, il y a House of Cards, il y en a plein, finalement, il y en a plein. Ouais. Ensuite, toujours chez Netflix, qui lance le HDR, 13 séries aux couleurs éclatantes. Alors que les premiers Blu-ray Ultra HD étaient depuis quelques semaines les premiers vecteurs de diffusion du HDR chez les particuliers, Netflix s'aligne. 3 mois après avoir annoncé qu'il le prendrait en charge, Netflix a récemment commencé à diffuser en HDR. Étonnamment, le numéro 1 de la vidéo sur demande sur abonnement ne s'était pas encore vanté de ça, mais un représentant du service l'avait confirmé aux médias qui en faisaient la demande que le HDR est bien opérationnel. Le service vient de l'officialiser. À ce stade, seule la série originale Marco Polo, je crois que c'était ça l'image de tantôt, est diffusée en HDR. 12 autres séries seront prochainement concernées. Et Series of Unfortunate Events, Bloodline, Chef's Table, Hibana, Knights of Sidonia, Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage, The Defenders, The Do-Over et The Ridiculous Six. 150 heures de contenu d'ici la fin de l'année, mais aucun film n'est listé à ce stade. The Ridiculous Six, c'est pas un film, ça? Ah. En termes d'équipement, Netflix exploite le standard HDR10 sur les téléviseurs Ultra HD de LG, Samsung et Sony, ou la norme Dolby Vision sur certains téléviseurs Ultra HD LG. On ne sait pas encore si la Nvidia Shield, Android TV ou si le décodeur de la future nouvelle Livebox seront compatibles. Un pictogramme HDR ou Dolby Vision permettra, quoi qu'il en soit, d'identifier les contenus compatibles. Les programmes en HDR seront diffusés en Ultra HD avec un débit maximal de 18 mégasecondes, mais le procédé sera aussi proposé à des débits inférieurs. 1080p et en 720p pour des connexions plus modestes. Je suis quand même curieux parce qu'il me semble que The Ridiculous 6, c'est le truc avec Adam Sandler. Ouais, c'est ça, c'est bien un film. Fait que, hein? Les articles, des fois, pas trop se fier. Hein? Toujours chez Netflix, algorithme test et tag, la recette pour rendre les abonnés accros. Les algorithmes automatiques et le binge-watching, regarder plusieurs épisodes en rafale, les employés de Netflix font une grande partie du travail, mais une autre partie est réalisée sans savoir par les utilisateurs eux-mêmes. Todd Yellen est la tête pensante en chef en matière d'innovation produit. C'est lui qui nous explique le principe des tests AB menés par Netflix, se baser sur les choix de la communauté pour optimiser l'expérience globale à travers une forme de sondage camouflé. Chaque année, Netflix mène plusieurs centaines de tests AB. Le principe est simple, la plateforme divise les utilisateurs en un certain nombre de panels et soumet chaque panel à une expérience légèrement différente pour tester les effets d'un changement d'interface, par exemple. La solution qui affiche les résultats les plus probants est alors adoptée pour l'entièreté. Les abonnés sont ainsi les principaux cobayes du service. Todd Yellen donne l'exemple des vignettes affichées pour les nouveaux programmes de Netflix. 6 vignettes sont testées à la fois. L'objectif est de déterminer quelle vignette va être la plus cliquée, mais surtout laquelle va entraîner le plus d'engagement de la part des utilisateurs, car il ne suffit pas de cliquer pour faire de l'opération un succès, il faut que les abonnés visionnent ensuite le contenu. Le service est très prudent dans cette démarche, et l'exemple des vignettes de la série Jessica Jones est assez révélateur. Sur les 6 exemples, on voit l'héroïne soit en photo, soit en dessin, avec une tenue différente. Sur l'une d'elles, elle semble dénudée. On pourrait croire que cette vignette aurait gagné les tests, mais ce n'est pas le cas. C'est un visuel dessiné de façon comics qui a remporté le test AB. Vous pouvez aller voir les photos sur assemblagerequis.com pour voir les 6 qui ont été utilisés. Pourquoi? Eh bien, je cite ici M. Todd Yellen, « Les utilisateurs ne sont pas dupes. Jessica Jones est une série avec des scènes de sexe, mais ce n'est pas le sujet principal de la série. Si dès la vignette, on vend la série comme étant une série sexy avec une héroïne dénudée, alors on fait une fausse promesse et l'abonné ne va pas la regarder. On veut un visuel dans lequel les utilisateurs reconnaissent la série. Et notre objectif n'est pas de faire du clickbait. » Tu vois qu'ils sont pas... c'est pas BuzzFeed, c'est pas Narcity, c'est pas un paquet de trucs de clickbait, de foire à clic. Netflix ne laisse rien au hasard quand il s'agit de rendre ses utilisateurs accros. La plateforme compte investir en 2016 pour moins de 800 millions de dollars en recherche et en développement. Un chiffre important, mais cependant pas aussi important que le budget dédié à l'acquisition et à la production de contenu qui s'élèverait à 5 milliards de dollars juste en 2016. Un nouveau blog maintenant qui vous montre, qui vous offre en fait la première et la dernière image de séries populaires. Hein? Tu sais, un film, bon, c'est une histoire sur quelques heures, ça se regarde quand même bien, alors que les émissions de télé, ça peut durer pendant plusieurs années, nous dit Mental Floss. Ça crée des toiles de personnages, des scénarios qui vont dans tous les sens. C'est souvent impossible de prédire la fin d'une série. Quand on arrive à la finale, après des années de revirement de situation, c'est facile d'oublier comment la série a commencé. C'est pour ça que même moi, quand j'écoute une série, j'aime écouter la série au complet et à la fin écouter le premier épisode, juste pour voir la différence entre les deux. Mais bref, les créateurs de nos émissions de télé ont souvent des idées pour terminer la série un peu pareil comme la série a commencé. Donc souvent, ça montre une évolution ou ça montre une comparaison. Et il y a donc Celia Gomez, accro de télé, qui a compilé la première et la dernière image de séries populaires comme Twin Peaks, The Wire et Breaking Bad. Plusieurs sont remplis, vraiment beaucoup de spoilers. Juste moi, je suis allé sur la page principale, il y avait la fin de Mad Men. J'ai lu quelques trucs là-dessus, je sais pas ce que ça veut dire, mais quand même, faites attention, c'est la première capture d'écran sur la vidéo. Donc fascinant à aller voir, c'est pas un blog, en fait, c'est une vidéo de 1 minute 30. Donc allez voir ça sur assemblagerequis.com. On a terminé avec la télé, mais comme on n'a pas de chronique de radio, on va faire un petit bloc de radio-radio dans Television. Baisse de revenus et d'employés pour les radios commerciales. Les stations de radio au pays ont eu de légères pertes de revenus, ainsi qu'une baisse du nombre de leurs employés en 2015 par rapport à l'année précédente, révèle le CRTC, nos amis du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Donc, le CRTC a publié les résultats financiers et les statistiques pour l'année de diffusion se terminant en août 2015. Oui, c'est très, très en retard pour les stations de radio commerciales et pour Radio-Canada. Il révèle qu'il y avait 704 stations radio commerciales en 2014, 124 sur la bande AM et 580 sur le FM. Deux des 15 nouvelles stations qui ont commencé à diffuser en 2015 se trouvaient au Québec. À ces stations ont employé plus de 9500 personnes, ce qui représente une baisse de 3,4%, donc 385 emplois de moins par rapport à 2014. Le revenu total s'élève à 1,6 milliard, en baisse de 0,7%, soit 11,6 millions de moins. Les revenus des stations de langue française ont fléchi de 0,1%. Pour ceux de langue française, pour ceux de langue anglaise, c'est 0,3%. Les stations diffusant dans d'autres langues ont vu une hausse de leurs revenus de 1,5%. Les revenus proviennent principalement de la publicité, soit 1,58 milliard sur 1,6 milliard en 2015. Les recettes publicitaires ont baissé le plus au Québec de 2,2%, alors qu'elles n'ont chuté que de 0,6% en Ontario et de 1,4% dans les provinces de l'Atlantique. Les 704 stations radiophoniques commerciales ont aussi diminué leurs dépenses de 14,2 millions en 2015. L'année 2015 est aussi la seconde au cours de laquelle Radio-Canada a pu vendre la publicité sur les chaînes musicales, soit ICI Music et CBC Radio 2. Les recettes ont totalisé 1,4 million, une hausse de 27,2% par rapport à 2014. Mais malgré tout, les revenus totaux des stations de Radio-Canada ont diminué de 3,9%, passant à 276,5 millions en 2015, en raison de la réduction des crédits parlementaires. Le rapport du CRTC présente les données statistiques et financières de l'industrie de la radio commerciale telles que déposées par les titulaires dans leur rapport annuel. Et comme on n'a pas de chronique de cinéma, allons-y avec une petite nouvelle de ça. Le 3D est de retour au cinéma à 120 images secondes. Premier film à haute cadence avec 48 images secondes. Le Hobbit peut aller se rhabiller. Ang Lee, Oscar du meilleur réalisateur pour l'Odyssée de Pi, prépare effectivement un film en 4K, en 3D, en HFR, ça c'est le HDR de tantôt, à 120 images par seconde et par œil. Billy Lynn's Long Halftime Walk inaugurera cet automne un nouveau format que son producteur Sony a provisoirement baptisé Immersive Digital, donc numérique immersif. Le long métrage raconte le retour de soldats qui, après avoir survécu à une bataille en Irak, sont rapatriés par l'administration américaine pour parader. Une première séquence de 11 minutes mêlant scène de guerre et scène de parade a été projetée en fin de semaine dernière dans son format original à la Future of Cinema Conference du NAB, le salon des professionnels de la vidéo selon le site internet Variety. L'extrait a électrifié les professionnels du cinéma, nous dit-on. C'est en fait l'autre fin de semaine d'avant, je m'excuse. Un ancien responsable de la technologie de Sony est devenu consultant indépendant, acquiesce tout en... en voulant aller trop vite, j'ai sauté un paragraphe. Plusieurs hauts représentants de l'industrie du cinéma, qui ne sont certes pas totalement impartiaux, s'accordent sur le fait que c'est la meilleure expérience en 3D de leur vie. Certains précisent que la fluidité, mais aussi la clarté délivrée par la paire de projecteurs Christie de toute dernière génération procure une sensation de réalisme jamais vue. un ancien responsable de la technologie donc de Sony, totalement indépendant à Kies, tout en se demandant si c'est vraiment un plus. Il dit « Je me demande si j'ai un billet parce que j'ai grandi au 20e siècle, si je me suis fait à l'idée qu'un film, doit être à 24 images secondes pour qu'on me raconte une histoire. » Alors qu'on le croyait sur le déclin, il semblerait qu'on veuille nous refaire le coup de la 3D et plus spécifiquement pour détourner les spectateurs de leur domicile et les attirer au cinéma. On rappelle effectivement dans l'article de Clubic.com que si le nouveau format Ultra HD Blu-ray prend en charge jusqu'à 120 images secondes, il n'est plus compatible de 3D. À l'ère de la 4K, la 3D serait en tout cas une exclusivité des salles de cinéma. Voilà. C'est tout pour Television et ses accompagnateurs d'autres sortes de médias. Allons-y avec les codes d'écoute pour la semaine du 3 avril 2016, en commençant par le Québec. On y va avec En Rafale, les positions 15 à 6. La Voix, Les Enfants de la Télé, La Poule aux œufs d'or, Rupture, Vlog, Mémoire vive, Au secours de Béatrice, Accès limité, Tout le monde en parle et haut. En 5e, LOL, 4e, Les Beaux Malaises, Meilleur moment, en 3e, Yamaska, 2e, Unité 9 et en première place avec 2 685 000. C'était bien sûr La Voix. Ensuite, c'est la semaine du 28 mars, hein, ça? Je pourrais être sûr de ce que je fais, là. Il me semble bien que c'est les plus récentes codes d'écoute qui m'ont été envoyées. Oui, bah tiens, c'est les mêmes que la semaine passée. On va les faire parce que j'ai commencé. Du côté du Canada anglais, allons-y avec les positions seulement 5 à 1. 5e, NCIS Los Angeles. 4e, Criminal Minds Beyond Borders. 3e, Survivor. 2e, Criminal Minds. Et en première, The Big Bang Theory. Ça, c'est donc les codes d'écoute de la semaine du 28 mars. Voilà, c'est tout. Maintenant, on retourne en chiptune pour aller entendre une pièce de D-Boyd. Voici Michiko, MPS, le Mathieu Plante Show. Sur C'est fou! 89.1. Just Been Warp Zone avec You're Under Arrest, précédé de Michiko par D-Boy de Mathieu Planchot. Et maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Et on commence avec le vin rouge et notre intestin qui influence notre santé cardiovasculaire. Oui, le resveratrol, composé présent dans certains, dans les raisins rouges, oui, limite le risque d'astérosclérose grâce à son action sur la microbiote intestinal. Oui, le microbiote intestinal. Ça m'apprend à prendre des articles médicaux. Ses propriétés pourraient en faire un moyen de prévenir des maladies cardiovasculaires. Classé dans la catégorie des polyphénols, le resveratrol entre dans la composition des grains de raisin et du vin rouge. De nombreuses études épidémiologiques et expérimentales ont déjà mis en évidence ses vertus protectrices, notamment contre les maladies cardiovasculaires et certains cancers. En revanche, ses propriétés spécifiques et son mode d'action restent bien mystérieux. À partir d'un travail réalisé sur la souris, le professeur Mantian Mi et son équipe de la Third Military Medical University de Chongqing en Chine montrent l'action particulière de ce micronutriment sur le microbiote, à tel point qu'il le remodèlerait en diminuant par exemple le taux d'oxyde de triméthylamine, le TMAO, connu des scientifiques pour favoriser le risque d'astérosclérose. Athérosclérose. Habituellement, je suis super bon pour faire des longs mots comme ça. En conclusion, ils imaginent déjà un polyphénol naturel susceptible d'être ainsi utilisé dans la prise en charge des infections cardiovasculaires. En attendant, leur approche doit toutefois afficher des garanties au cours d'études à venir chez l'homme. Des résultats qui paraissent dans la revue M-Bio. Des muscles artificiels grâce à un polymère élastique maintenant. Les nouveaux matériaux mis au point en laboratoire ne cessent de nous étonner. Justement, une équipe de chercheurs de Stanford aux États-Unis vient de révéler avoir développé un polymère auto-cicatrisant, incroyablement élastique et capable de se contracter après stimulation électrique. Une découverte qui intéresse beaucoup les spécialistes du muscle artificiel. Synthétiser de nouveaux matériaux fait partie du quotidien des chercheurs du laboratoire de génie chimique de Stanford. Synthétiser, c'est bien, mais caractériser, c'est encore mieux. Ainsi, après avoir synthétisé récemment un nouvel élastomère, ces polymères qui présentent des propriétés élastiques, une équipe de du laboratoire a tout naturellement cherché à tester son élasticité. La responsable de l'établissement a eu bien du mal à croire aux résultats obtenus. Traditionnellement, ce type de matériau peut être étiré jusqu'à 2 à 3 fois sa longueur initiale avant de rompre. Pour mesurer le point de rupture de leur matériau, les chercheurs de Stanford utilisent une machine capable de les étirer jusqu'à 45 pouces, soit quelque 114 cm. 45 pouces est en principe largement suffisant pour tester un échantillon de longueur de 1 pouce ou quelque 2,5 cm seulement. Alors imaginez la surprise de l'équipe en constatant que le nouveau matériau résistait toujours. Pour être certain du résultat, ils ont été contraints de passer à un test manuel et d'étirer les échantillons jusqu'à plus de 100 pouces, qui est environ 254 cm, avant que celui-ci ne rompe. Cette propriété étonnante a immédiatement attiré l'attention d'experts des muscles artificiels. En effet, en plus de son incroyable élasticité, ce nouveau matériau a été conçu pour être remarquablement auto-cicatrisant en température ambiante, même si les dommages ont été causés plusieurs jours plus tôt, tout comme un véritable muscle. De plus, exposé à un champ électrique, cet élastomère peut se contracter et se dilater, tout comme un véritable muscle. De quoi également faire de ce nouveau matériau un bon candidat pour le développement de peaux artificielles qui permettraient aux porteurs de prothèses de retrouver les sensations et de faire, par exemple, la différence entre une poignée de main et la caresse d'un papillon. Avant ça, cet élastomère à la fois solide, souple et électroniquement actif pourrait être utile à la mise en œuvre de produits électroniques portables ou d'implants médicaux à longue durée de vie. Dans un article paru dans les colonnes de Nature Chemistry, les chercheurs de Stanford dévoilent leur secret de fabrication. Selon eux, ce nouveau matériau tire ses propriétés exceptionnelles de la mise en œuvre d'un procédé chimique connu sous le nom de réticulation. Pour faire simple, ce procédé consiste à relier des chaînes linéaires de molécules pour faire un ou plusieurs réseaux tridimensionnels. Dans une première étape, l'équipe a donc construit des molécules organiques un peu particulières, capables de se lier à des brins de polymères assez courts. Résultat, une série de structures qualifiées de ligands, car elles sont alors à même de se lier les unes aux autres de manière réversible pour former des chaînes plus longues. Dans un second temps, l'équipe a ajouté à cette base des ions métalliques présentant une affinité chimique avec les ligands. Dans le processus, chaque ion métallique se lie naturellement à au moins deux ligands, de quoi renforcer les propriétés élastiques et auto-cicatrisantes du matériau. Lorsqu'on tire sur le matériau, les nœuds chimiques se relâchent et les ligands se délient. Lorsqu'on lâche le matériau, l'affinité entre les ions métalliques et les ligands permet de reformer la structure initiale. L'équipe a également établi qu'il était possible de jouer sur les propriétés de ce nouvel élastomère en faisant varier la quantité et la nature des ions métalliques utilisés. Dans l'étude qu'ils ont présentée, par exemple, ils ont eu recours à des ions fer en concentration raisonnable par rapport à celle des polymères et des molécules organiques. Des empreintes cérébrales maintenant pour nous identifier. Les neurosciences continuent leur essor vers la révolution annoncée du 21e siècle et il est désormais possible d'identifier une personne grâce à l'activité bioélectrique de son cerveau avec 100% de succès. Ces empreintes cérébrales permettent une identification plus sécurisée. Le 20e siècle a été marqué par une révolution dans les sciences et technologies du contrôle de la matière et de l'énergie, avec le développement de l'énergie nucléaire et de l'électronique. On pense que le 21e siècle sera quant à lui le siècle de la révolution dans les sciences de l'information, que ce soit au niveau de la biologie avec la génétique, mais aussi au niveau des cerveaux naturels ou artificiels. Ces dernières années, des progrès ont pu être observés au niveau des interfaces homme-machine. Ainsi, il est désormais presque possible de lire dans les pensées grâce à des techniques comme l'électroencéphalographie ou la magnétoencéphalographie, donc le EEG et le MEG. On peut avec elle s'intéresser au décryptage de ce que les spécialistes en neurosciences appellent le potentiel évoqué, donc le ERP pour Event Related Potential. Ce terme désigne la modification du potentiel électrique dans le système nerveux en réponse à une stimulation sensorielle comme des sons, des images, etc., mais aussi à une activité cognitive, donc comme l'attention, la préparation motrice, etc. C'est justement ce qu'a fait un groupe de chercheurs aux États-Unis de l'université Binghamton. Ils viennent de publier un article qui intéressera sûrement les spécialistes de la biométrie travaillant dans le domaine de la sécurité militaire. Pour eux, l'accès à un centre stratégique, par exemple doté d'une salle de lancement d'armes nucléaires, nécessite sans doute plus qu'une identification et des empreintes digitales. On peut en effet capturer une personne et lui couper les doigts. Or, avec la méthode baptisée Cognitive Event Related Biometric Recognition, donc le cérébre, on peut atteindre un plus haut niveau de sécurité. Il s'agit de se servir de cerveau à d'individus bien vivants comme des sortes d'empreintes digitales en caractérisant leur potentiel. Obtenir ces empreintes ne serait pas à la portée de n'importe quel groupe terroriste puisque la méthode nécessite une technologie très poussée. En effet, les chercheurs ont obtenu ces empreintes cérébrales en enregistrant avec un casque pour l'EEG les caractéristiques de l'ERP du cerveau, de sujets devant 500 images constituant 6 types de stimuli comme des grilles sinusoïdales, des mots peu fréquents, des images en noir et blanc d'aliments ou de célébrités ainsi que des versions en couleur. Les tests ont montré qu'on pouvait identifier de cette façon le cerveau de 50 personnes avec un taux de réussite de 100%. On ne peut pas savoir quelles étaient les images utilisées pour prendre une empreinte cérébrale. Elles nécessitent une technologie assez sophistiquée, en particulier avec un algorithme et un ordinateur. On peut donc raisonnablement penser qu'on dispose là d'une technique d'identification biométrique supérieure, même à celle utilisant la rétine. Et pour terminer, l'énergie du futur fonctionnera-t-elle à base d'urine? Un groupe de chercheurs de l'Université de Bath en Grande-Bretagne a développé une pile à combustible microbienne miniature alimentée par de l'urine. Ça pourrait passer pour l'une de ces énièmes recherches dont il est difficile d'envisager un intérêt. C'est souvent le but de Merci Science. Pourtant, cela fait longtemps que les scientifiques s'intéressent aux déchets humains pour produire de l'énergie. Il existe un prototype de bus qui roule grâce à des excréments humains et Bill Gates lui-même a testé en début d'année dernière une machine capable de transformer la matière fécale en eau potable. L'idée de la pile à combustible microbienne ou pile à bactéries n'est pas nouvelle et plusieurs chercheurs britanniques s'y essaient depuis de longues années. Le processus chimique est donc bien maîtrisé. Il s'agit d'oxydoréduction, comme dans la pile au citron. L'urine qui baigne les bactéries favorise leur croissance, leur production d'hydrogène et donc leur capacité à générer des électrons dans le milieu. L'évolution qu'on doit à ce laboratoire de l'Université de Bath, c'est la compacité de son dispositif. Alors qu'il ne mesure que 25 mm carrés, le système est capable de générer 2 watts par mètre cube de combustible, soit 1000 litres d'urine, soit une puissance suffisante pour, en théorie, recharger un téléphone intelligent. Évidemment, un tel dispositif n'a pas pour vocation de remplacer un power bank, une banque de courant, mais les scientifiques ont déjà envisagé de l'utiliser pour alimenter une balise de détresse ou encore les éclairages de camps de réfugiés. Quoi qu'il en soit, les chercheurs soulignent le potentiel de cette technologie au coût de production quasiment nul, qui pourrait représenter un certain intérêt pour les zones privées d'électricité. D'autant que ces piles à bactéries ne coûtent que 1,40€ à fabriquer. 1,40€, évidemment, en dollars canadiens, hein, ça fait 2$. Simple de même. Voilà, c'est tout pour Merci Science, et bien sur assemblagerequis.com. On retourne en chiptune et on s'en va entendre, en fait, une chanson qui provient du jeu Canterbury Tamashii, mais en remix. Hein? Donc voici, ça s'appelle Love Everlasting au Mathieu Plante Show sur C'est Fou. La pièce s'appelle Love Everlasting par artiste DDR Kirby. C'est un remix d'une pièce de Katamari Damacy, le jeu vidéo, qui s'appelait à l'origine Lonely Rolling Star au Mathieu Planchot. Et maintenant, ben, Colin, on continue avec la prochaine chronique déjà. Oui, sans prendre de pause tout de suite. Voici le segment Geek Scenics. Cynix, c'est le segment geek où on parle des nouvelles technologiques, informatiques, jeux vidéo depuis les 7 derniers jours. Et on va y aller avec un petit bloc nouvelles du futur pour commencer, comme on le fait habituellement. L'intelligence artificielle vient en aide aux malvoyants sur Facebook. La nouvelle date du début du mois, mais peut-être ne l'avez-vous pas vu passer. Facebook a lancé une nouvelle fonctionnalité qui utilise des avancées de l'intelligence artificielle, notamment en termes de reconnaissance d'objets, pour décrire le contenu de photos publiées sur son réseau aux aveugles et aux malvoyants. La technologie est disponible uniquement dans un premier temps sur les appareils mobiles d'Apple et pour les utilisateurs anglophones de 5 marchés spécifiques, les États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande. L'objectif est toutefois de l'étendre rapidement à d'autres langues et à d'autres plateformes. La nouvelle fonctionnalité baptisée Automatic Alternative Text fonctionne avec les logiciels utilisés par les aveugles pour obtenir une description audio de ce qui s'affiche sur leur écran. Dans le cas d'une image publiée sur Facebook, ce type de logiciel se contentait toutefois généralement jusqu'ici de dire qu'il s'agissait d'une photo avec le nom de son auteur et de dire le cas échéant, les commentaires écrits en dessous, ce qui ne donnait pas forcément d'indication sur son contenu. La nouvelle fonctionnalité ambitionne d'enrichir cette description en fournissant à l'utilisateur quelques mots sur ce qui a pu être automatiquement reconnu dans l'image. Lors d'une démonstration pour des journalistes, le système indiquait par exemple qu'une photo pouvait montrer du ciel et un arbre, une pizza ou trois personnes qui sourient en extérieur. Ça reste une description partielle du contenu de l'image avec pour l'instant une centaine d'éléments reconnus automatiquement, qu'il s'agisse de modes de transport comme voiture, bateau, avion, vélo, d'éléments naturels comme l'extérieur, montagne, arbre, océan, soleil, de type de sport comme tennis, natation, golf, de nourriture, pizza, sushi, café, dessert ou encore de mots aidant à décrire l'apparence d'une personne comme bébé, lunettes, barbe et souriant. Le choix des éléments de la liste qui a une vocation à s'allonger au fil du temps repose sur la fréquence d'apparition des choses en question dans les photos publiées sur Facebook, mais aussi sur la capacité du système à les reconnaître de manière fiable, ont expliqué au journaliste Jeff Wieland, un des membres de l'équipe s'occupant des questions d'accessibilité chez Facebook, et Matt King, un ingénieur du groupe qui a perdu la vue quand il était à l'université. Dans le futur, le système pourrait être développé pour fournir des descriptions plus complètes, par exemple en précisant les activités auxquelles se livrent les personnes sur une photo ou peut-être leur identité même. Facebook n'est pas le seul groupe technologique à envisager d'utiliser l'intelligence artificielle pour les handicapés. Il y avait aussi Microsoft qui avait annoncé quelque chose, l'intégration de fonctions de reconnaissance d'objets ou de textes à des applications mobiles. Toujours avec les malvoyants, c'est maintenant Google qui veut aider les malvoyants avec leur téléphone intelligent. Des chercheurs nord-américains ont développé une application mobile. En fait, c'est pas Google en tant que tel. Donc, on a développé une application mobile associée à des Google Glass, les lunettes de Google, qui permet à des malvoyants de voir l'interface de leur smartphone en vue agrandie et d'y naviguer simplement avec des mouvements de tête. Le système pourrait évoluer et aussi servir à des personnes n'ayant pas de problème de vue. Utiliser un téléphone intelligent lorsqu'on a des problèmes de vue n'est pas toujours facile. Selon la taille et la définition de l'écran, les icônes des applications ainsi que les textes sont plus ou moins lisibles. Qu'il s'agisse d'Android, d'iOS, de Windows Phone ou autre, la plupart des OS mobiles disposent d'une fonction loupe ou de zoom qui permet d'agrandir une partie de l'écran pour la rendre plus lisible, un outil dont se servent beaucoup les personnes malvoyantes, mais qui n'est pas forcément pratique. Lorsque les personnes malvoyantes utilisent la fonction loupe, elles ne voient qu'une portion de l'écran et c'est difficile pour eux de se repérer. Elles ne savent pas si elles se trouvent au centre ou sur le bord de l'écran. Donc c'est pour ça que qu'à la Harvard Medical School, on s'est associé à des chercheurs de l'Institut Massachusetts Eye and Ear. On a développé une application qui fonctionne de concert avec des lunettes connectées Google Glass et permet donc de naviguer de façon très intuitive. Le logiciel installé sur le téléphone intelligent transfère l'image de l'écran au Google Glass. La personne peut alors naviguer dans cette vue agrandie en bougeant la tête, ce qui lui confère un meilleur sens de l'orientation, un peu comme de la réalité virtuelle si on veut. À tout moment, elle peut avoir une vue d'ensemble en regardant directement l'écran du mobile. La sélection des éléments et les actions où ils se font à l'aide des doigts sur l'écran tactile du smartphone. L'équipe du professeur a réalisé des tests avec deux groupes de volontaires, les uns équipés des Google Glass, les autres seulement avec un smartphone et un mode loupe. Ils devaient accomplir les mêmes tâches et les personnes qui utilisaient les lunettes connectées se sont montrées 28% plus rapides. Oh man. Toujours chez les gens qui ont un handicap certain, donc un employé de Sony fabrique une manette unique pour un joueur handicapé. Des manettes PS4 pour joueurs handicapés, c'est peut-être une exception, mais la nouvelle fait des envieux, nous dit jeuxvideo.com. C'est l'histoire donc de Peter Byrne, un Américain de 21 ans qui est comme beaucoup de gens de son âge, un gros joueur de PS4. Le souci, c'est que ce dernier est atteint d'un handicap qui l'empêche d'utiliser sa manette correctement. Quand il veut utiliser le palais tactile, il lui arrive souvent de mettre le jeu en pause parce que c'est trop sensible. Un jour, Bryn. Ah, c'est appelé deux fois de façon différente dans le même article, c'est le fun. Donc, envoie un mail à PlayStation, j'imagine qu'il veut dire à Sony, hein, pour savoir s'il existe une solution à son problème. Dès le lendemain, il reçoit une réponse d'un des employés, Alex Nawabi. Ce dernier lui répond qu'il va se charger de ce problème personnellement sans l'aval de Sony. Plusieurs jours après, Bryn reçoit un colis de la part d'Alex Nawabi. Après 10 heures de travail, il a réussi à remplacer le palais tactile par un bouton supplémentaire permettant au jeune homme de pouvoir jouer sans interruption et tempestive. Il a même reçu une deuxième manette au cas où la première ne marcherait plus. Une initiative personnelle qui reçoit les louanges sur Internet, certains réclamant que ce modèle existe à la vente. C'est sûr que ce serait le fun. Pour le moment, pas de réaction de la part de Sony, mais il va falloir parier que cela n'aboutira pas. Maintenant, de la peau artificielle pour faire pousser des cheveux et transpirer. Qu'est-ce que ça veut dire? Une équipe de chercheurs japonais travaille sur la peau, sur de la peau artificielle comprenant des follicules pileux et des glandes sudoripares. On est encore loin de l'étape de la greffe sur l'homme, mais l'expérience est pleine d'espoir. De la peau artificielle conçue en éprouvette qui, une fois greffée sur une personne, pourrait entraîner la pousse de poils et de transpiration. C'est la démarche sur laquelle travaille une équipe de scientifiques du laboratoire de biologie du Kirin Center au Japon, en collaboration avec des chercheurs de l'Université de sciences de Tokyo. Encore une autre nouvelle que j'ai pas mis dans la bonne catégorie, hein. Je fais toujours la même chose. Les premiers résultats observés sur des souris qui font office de cobayes s'avèrent prometteurs si on ne s'arrête pas à l'espèce de verrue verte qui ressort actuellement de l'expérience. Pour arriver à un tel résultat, les scientifiques ont prélevé des cellules de gencives à une souris et les ont transformées chimiquement en cellules souches pluripotentes pour qu'elles ressemblent au plus près aux cellules qui composent la peau. Elles ont ensuite été greffées sur des souris au système immunitaire déficient, permettant à la nouvelle peau de se développer plus rapidement. Bien que l'esthétique de la peau greffée ne ressemble pas encore à celle qu'on a l'habitude de voir, il s'avère que la peau artificielle de l'expérience s'est développée convenablement et est restée en bonne santé en se fondant dans le tissu naturel. Des poils sont apparus et la peau a transpiré comme le reste. Les scientifiques sont optimistes, mais indiquent également que les essais sur l'homme ne devraient pas pouvoir se faire avant une dizaine d'années. Si les prochaines étapes de la recherche s'avéraient être un succès, une telle avancée médicale pourrait grandement aider les personnes atteintes de brûlures ou de maladies qui détruisent la peau. Justement, une autre peau, cette fois-ci, ça va fitter un petit peu plus dans CNX. C'est une peau électronique pour remplacer nos écrans. Des chercheurs japonais ont élaboré un film électronique transparent ultra fin qui se colle sur la peau et peut afficher des constantes vitales comme le pouls, le niveau d'oxygène dans le sang, etc. Grâce à des diodes électroluminescentes à polymère. Le dispositif pourrait servir dans les domaines de la médecine ou du sport. Il pourrait même un jour remplacer nos smartphones. Donc, on nous dit que demain, avant d'aller faire du sport, il suffira peut-être simplement de coller son cardiofréquenceomètre à même la peau sans avoir à s'encombrer d'une montre ou d'un bracelet connecté. Certes, la perspective est encore lointaine, mais l'avancée accomplie par une équipe de l'Université de Tokyo au Japon ouvre la voie. Ces chercheurs ont mis au point un film étirable et transparent de seulement 3 micromètres d'épaisseur qui intègre un système d'affichage à base de diodes électroluminescentes à polymère ou des PLED, Polymer Light Emitting Diodes. Suffisamment souple pour épouser les mouvements du corps, cette peau électronique peut mesurer différentes constantes vitales comme le pouls et le taux d'oxygénation du sang. Dans une vidéo de démonstration accompagnant un article paru dans Science Advances, on peut voir l'afficheur fonctionner à même la peau. Concevoir ce type de revêtement suppose de trouver le bon compromis entre la finesse et la flexibilité nécessaire au confort d'utilisation, mais aussi une durée de fonctionnement qui aille au-delà de quelques heures. L'équipe amenée par les professeurs Takao Someya et Tomoyuki Yokota a réussi à créer un produit qui réunit ces deux conditions. Pour élaborer ce film transparent, les chercheurs nippons ont alterné des couches de paryllène, un film polymère biocompatible, et des couches d'oxynitrure de silicium. Entre celles-ci, ils ont ajouté des électrodes d'oxyde d'indium éteint reliées à un photodétecteur organique et des plaides rouges et vertes pour créer l'affichage. Le revêtement bloque le passage d'oxygène et de vapeur d'eau, ce qui, selon ses concepteurs, confère à cette e-skin, donc une peau électronique, une durée de vie de plusieurs jours. Outre le pouls ou le niveau d'oxygène dans le sang, les chercheurs envisagent d'étoffer les applications médicales et estiment que leur revêtement pourrait même être appliqué directement sur les organes afin de surveiller des constantes pendant et après une chirurgie. Mais comment la peau respire-t-elle à travers un tel revêtement? De quelle manière le dispositif est-il alimenté? N'y a-t-il aucun risque pour l'épiderme, bien que probant que la démonstration soulève un certain nombre de questions et on n'a pas encore les réponses? Un ordinateur fabrique un faux Rembrandt à s'y méprendre. Hein? Donc, ça a pris 18 mois d'effort pour terminer le projet Next Rembrandt, mais le portrait imprimé en 3D a de quoi tromper un expert. Rembrandt van Rijn, de 1606 à 1669, a peint au cours de sa vie une longue série de portraits, si bien que leur analyse relève aujourd'hui du Big Data. Depuis 18 mois, une équipe de spécialistes de l'Université de Delft en Hollande, le pays natal du grand maître, et d'informaticiens de Microsoft ont nourri un logiciel d'intelligence artificielle avec des images de portraits réalisées par Rembrandt. Plus de 300 œuvres ont été analysées de différentes manières, notamment à l'aide de scanners 3D, pour capter la manière dont l'artiste maniait le pinceau. Par la technique du deep learning, donc l'apprentissage profond, l'algorithme a ainsi appris comment le peintre hollandais regardaient, dessinaient les yeux, le nez, les bouches, orientaient les têtes et les regards, choisissaient les lumières et les couleurs, etc. Une fois ce travail fait, l'équipe a en quelque sorte passé commande à ce peintre artificiel pour un portrait représentant un homme caucasien, donc blanc, barbu de 30 à 40 ans, portant des vêtements sombres, un col et un chapeau, et regardant vers la droite. Agrégeant plus de 160 000 détails prélevés sur de vrais tableaux de Rembrandt, l'ordinateur a réalisé ce portrait inédit, totalisant 148 millions de pixels. L'œuvre a été ensuite imprimée en 3D en 13 couches pour reproduire le relief des coups de pinceau qu'aurait pu donner le maître hollandais. Le résultat, un faux remarquable, donc à découvrir sur le site du projet Next Rembrandt. Le site est sur nextrembrandt.com. Le style du trait, le clair-obscur et la composition du tableau qui caractérise un Rembrandt sont bien là. Il faudrait confier ce portrait à un expert pour lui demander son avis sur l'origine de cette œuvre. On se demande s'il se tromperait. Ce projet n'est pas destiné à faire d'un ordinateur un faussaire et de lancer une nouvelle industrie du faux tableau, mais de plutôt chercher les liens possibles entre technologie, données et art. Toujours en art, Deep Art transforme vos tableaux en tableaux de maître, vos photos, pardon, en tableaux de maître. Appliquez le style de Van Gogh, de Cézanne, Delacroix, Warhol, Picasso à ses photos personnelles. C'est ce que propose donc le projet Deep Art, un service en ligne gratuit qui repose sur une intelligence artificielle capable d'extraire tous les éléments d'une image, puis de la reproduire en s'inspirant de la patte d'un grand peintre. Lukas Kedzinski, le chercheur de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse, qui a mis au point cette plateforme, nous a fourni les détails sur futurascience.com. Donc, on revient évidemment sur le faux Rembrandt, là, mais Deep Art, ici c'est son nom, une plateforme en ligne conçue à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Pour l'essayer, rien de plus simple, nous dit-on, il suffit de se connecter au site depuis un ordinateur ou un téléphone intelligent, puis de transférer une photo personnelle, que ce soit un paysage, un portrait ou un animal, avant de choisir le style de peinture qu'on souhaite voir appliquer. Il peut s'agir d'exemples épuisés directement sur le site ou alors de l'image d'une œuvre de l'artiste qu'on apprécie. Une fois les éléments chargés, il faut une dizaine de minutes à Deep Art pour produire une image originale de 500 pixels par 500 pixels qu'il faut payer un petit peu plus de 2$. Sinon, le service est gratuit, mais il faut compter actuellement environ 24 heures. En date d'il y a 2 semaines. Ceux qui voudraient obtenir un fichier de qualité supérieure peuvent opter pour les formules payantes, donc 1300 pixels par 1300 ou encore 3000 par 3000 pour quelques 150€ et plus en dollars canadiens, bien sûr. Les sceptiques qui douteraient de la qualité des reproductions peuvent essayer ce test qui propose de distinguer les tableaux de maître et les œuvres créées par Deep Art. C'est sur assemblagerequis.com. L'adresse est turing.deepart.io. Au cœur du système se trouve une intelligence artificielle basée sur un algorithme développé par l'Université de Tübingen en Allemagne. Selon les chercheurs, Deep Art nécessite un serveur muni d'une carte graphique haute performance type Nvidia Tesla K40 dotée d'une mémoire vive dédiée de 12 Go. Et pour le moment, il n'est pas envisageable qu'une telle application puisse fonctionner directement sur un téléphone intelligent. On va au Japon. Dès 2018, le Japon aura son train invisible. Le Japon est célèbre pour ses trains de haute technologie en compétition directe avec la France pour les records de vitesse, mais cette fois, c'est sur l'esthétique qu'a misé la société Cebu Railway, qui prévoit de faire rouler en 2018 des trains invisibles. Presque. En effet, les 56 wagons ne seront pas composés de nouveaux matériaux inconnus. En fait, ils seront plutôt conçus pour se fondre dans le paysage en le reflétant. Ces trains du futur ne vont pas remplacer tous les véhicules de la société, mais constitueront une série limitée pour marquer les 100 ans de Cebu Railway. La construction de l'intérieur et de l'extérieur de ces trains a été confiée à l'architecte Kazuyo Sejima, dont le travail est effectivement tourné vers des structures métalliques réfléchissant la lumière et dont le style a été décrit comme fluide, transparent et entrelacé avec la nature. On peut voir des photos d'architectes devant la Serpentine Gallery, imaginée pour le musée d'art contemporain de Kensington Gardens à Londres, qui lui aussi reflète le paysage autour. Donc allez voir ça, ainsi que les photos disons en 3D composite de ce que pourrait avoir l'air le train, ce dont pourrait avoir l'air le train sur assemblagerequis.com. Un homme a retrouvé l'usage de sa main grâce à une puce dans le cerveau. Peut-être avez-vous vu aussi passer cette nouvelle-là. Je suis en retard de 3 semaines sur mes nouvelles dans CNX aujourd'hui. Donc, un Américain a décidé de se faire implanter une puce dans le cerveau pour l'aider à retrouver l'usage de sa main. Les communications entre le cerveau et les muscles passent normalement par la moelle épinière. Or, après un accident, si cette dernière est endommagée, la victime peut être paralysée. C'est ce qui est arrivé à l'Américain Ian Burkhart, lequel est devenu tétraplégique suite à un accident de natation. Les médecins lui ont dit qu'il s'était cassé le cou et qu'au mieux, il pourrait jamais bouger, mais que ses épaules, autres que ses épaules, mais que pour l'instant, bon, il pourrait pas faire grand-chose pour le reste de ses jours à part bouger ses épaules. Bon. Donc, c'était avant la mise en place du programme NeuroLife par le chercheur Chad Bouton. NeuroLife est un dispositif permettant de rétablir les communications commandées par le cerveau sans passer par la moelle épinière. Concrètement, Ian Burkhart s'est fait implanter une puce dans le cortex cérébral, laquelle permet d'envoyer des signaux vers un ordinateur. Ces données sont ensuite décodées puis transmises vers un bracelet composé de 130 électrodes qui stimuleront les muscles du bras. Chad Bouton explique que c'est la première fois qu'une personne complètement paralysée a retrouvé du mouvement juste en utilisant sa propre pensée. Après 15 mois d'entraînement, le patient est effectivement en mesure de glisser une carte de crédit, de soulever une cuillère ou encore de porter un téléphone à son oreille. La prochaine étape consistera à rendre le dispositif portatif avec donc un ordinateur interprétant en permanence les signaux transmis par la puce. Voilà pour ce premier bloc de Célix. On va en faire un deuxième tout à l'heure, mais pour l'instant, on va entendre une pièce de chiptune. C'est par l'artiste Pixel Fox. Et je vous présente l'extrait Nostril. Hein? Ouvrez grand les narines pour entendre ça. NPS, le Mathieu Plante Show sur ses... Thank you. C'était Robin avec Lost World, précédé de Motherfield, un cover du jeu Mother, donc Earthbound, comme on l'appelle en Amérique du Nord, par Cangrejo. Et on a débuté avant la pause avec Nostril par Pixel Fox. Voilà. Toujours Mathieu Planchot, et maintenant c'est la suite de Cilix. Cilix, c'est la chronique technologique, informatique, jeux vidéo ou vidéo ludique. Hein? Commençons par les drones, avec la première course de drones pilotée par la pensée. Des étudiants de l'Université de Floride ont organisé la première course de drones contrôlée par les interfaces neuronales, la Brain Drone Race, munie de casques électroencéphalographiques, que j'imagine qu'on dit, je sais pas pour l'adjectif, détectant l'activité électrique du cerveau associée à la pensée d'un geste. 16 concurrents ont ainsi pu exercer leur talent de pilote, une expérimentation qui ambitionne de vulgariser l'usage d'interfaces neuronales. Les ondes cérébrales peuvent décidément servir à beaucoup de choses, contrôler les prothèses, commander un robot ou la télévision, conduire une voiture, voire remplacer les mots de passe. Très récemment, une personne tétraplégique a même pu réanimer sa main grâce à une neuroprothèse, on en parlait tout à l'heure. Les chercheurs et étudiants de l'Université de Floride ont créé ce qu'ils présentent comme la première course de drones contrôlée à l'aide des seules ondes cérébrales. Baptisée Brain Drone Race, cette compétition a opposé 16 étudiants équipés de casques EEG installés face à un ordinateur. Ils devaient exercer leur concentration sur un logiciel leur demandant de penser à certains mouvements, déplacer une chaise vers l'avant, vers la droite, vers la gauche, vers la droite. J'avais déjà dit droite. Le casque EEG détecte l'activité électrique neuronale corrélée à chaque action pensée que l'algorithme va ensuite convertir en commande envoyée au drone par liaison sans fil. Tel est le principe des interfaces neuronales qui ont accompli de grands progrès ces dernières années. L'idée de contrôler un drone par la pensée n'est d'ailleurs pas nouvelle. Il y a un peu plus d'un an, on avait évoqué BrainFlight, un projet européen qui avait conduit au premier vol d'un drone contrôlé via un casque EEG. La différence, c'est que le Brain Drone Race, qu'on peut voir en vidéo sur YouTube, cherche à vulgariser l'usage des interfaces neuronales en la simplifiant au maximum. Le casque EEG utilisé pour la course est un modèle qu'on peut acheter dans le commerce pour pas trop cher. Et l'algorithme a été entraîné de manière à pouvoir interpréter des commandes simples comme en avant, à droite, à gauche, etc. Un jour, vous pourriez peut-être porter une interface neuronale comme on porte une montre pour interagir avec les objets autour de vous, nous dit le professeur qui est à l'origine de ce projet de course de drone. Maintenant, si on transitionne vers les voitures autonomes, les voitures qui se pilotent toutes seules, on dit qu'un mauvais marquage au sol pourrait nuire à la conduite automatique. Les voitures autonomes circulent de plus en plus sur les routes sous la forme de prototypes toujours plus optimisés, mais des questions persistent autour de l'environnement de conduite et le marquage au sol entre en question. Bardées de capteurs, les voitures autonomes sont censées circuler toutes seules en respectant à la lettre le code de la route, mais il arrive que des obstacles se mettent en travers de leur route. Lors du salon de l'auto de Los Angeles, Lex Kursemakers, le patron de Volvo aux États-Unis, s'est frotté à un véhicule autonome récalcitrant. La voiture refusait d'avancer correctement. Pourquoi? C'est parce que la route était trop amochée et la voiture n'arrivait pas à identifier les marquages au sol. Une chance qu'ils n'ont pas fait ces tests-là à Trois-Rivières. Kursemakers avait alors fait remarquer au maire de la ville qu'il devait marquer les routes de Los Angeles. Une anecdote parmi tant d'autres, mais qui soulève une véritable question, si les voitures évoluent, l'environnement le doit-il aussi? Aux États-Unis, entre les routes détériorées où le marquage est peu visible, les routes pavées et autres chemins sans signalisation, les problèmes des véhicules autonomes en test sont nombreux concernant un point précis. Le département américain de transport estime que 65% des routes peuvent être considérées comme étant en mauvais état. Et on imagine la multitude de cas similaires qui vont être rencontrés un peu partout, dans toutes les contrées du monde. À ce stade du développement, les voitures autonomes et le développement, oui, des voitures autonomes et semi-autonomes, la seule solution pour les entreprises qui travaillent sur le sujet est de développer des capteurs plus précis et plus puissants, ainsi que les systèmes de cartographie associés pour pouvoir compenser la mauvaise qualité du marquage au sol. Tesla, Volvo, Mercedes ou encore Audi, les constructeurs automobiles sont nombreux à être concernés. Un développement nécessaire qui gonfle forcément la note en recherche et développement. Selon Boston Consulting Group, relayé par Reuters, le caractère semi-autonome de véhicules ajoute aujourd'hui 4 000 $ à son prix initial. Le cabinet estime le coût de la recherche sur le sujet durant la prochaine décennie à plus d'$1 milliard. Alors que les premières voitures autonomes pourraient déjà être commercialisées à l'horizon de 2020, il reste encore de nombreux défis autour du moyen de locomotion. De nombreuses startups cherchent notamment à réduire les coûts de production et de conception de technologies liées aux voitures autonomes, comme le LIDAR, soit la télédétection par laser. L'objectif d'une entreprise comme Quanergy est de proposer un système à moins de $100 en 2018, en partant d'un modèle qui coûte $250 à l'heure actuelle. Mais le LIDAR seul ne sera probablement pas suffisant et les voitures autonomes devront trouver le juste équilibre entre les caméras, les systèmes de radar et le LIDAR. Dans tous les cas, on a envie de dire qu'un marquage au sol parfaitement visible serait profitable à tout le monde et surtout aujourd'hui aux automobilistes qui ne sont pas encore prêts à lâcher le volant. Un article encore une fois de Cubic.com. On reste avec les marquages au sol, des feux maintenant au sol pour les piétons qui sont accros au téléphone intelligent. Suite à un accident ayant impliqué une adolescente trop absorbée par son téléphone intelligent pour se préoccuper du trafic routier, une ville allemande a adopté des signaux lumineux au sol à destination des piétons. À Augsbourg, en Bavière, les piétons sont désormais soumis à des feux de signalisation au sol à proximité des voies de tramway. C'est souvent de là que le regard des promeneurs s'avère être le plus proche, en particulier quand ces derniers fixent l'écran de leur téléphone. C'est d'ailleurs un accident mortel survenu il y a peu de temps dans la ville qui a entraîné l'installation de ce nouveau système. Récemment, une adolescente de 15 ans s'est fait percuter par un tramway et elle est décédée peu de temps après. Le rapport de police expliquait alors que la jeune femme, fille, avait un casque sur les oreilles et regardait son smartphone pendant qu'elle avançait sur la voie comme une épaisse. Non, je m'excuse, mais pour vrai, là, pas de lumière, ce monde-là. Faut, à la place de mettre des lumières dans le sol, peut-être inculquer aux gens. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est juste patcher le problème. Là. Le problème continue, les gens foncent dans les uns et les autres. Je suis venu sur un trottoir quand je m'en venais à l'université tantôt. Il y avait 3 personnes en file sur le trottoir qui regardaient les 3 leur téléphone cellulaire, puis c'est moi qui ai fait qu'ils aillent dans la rue pour passer à côté d'eux autres. Hey, le problème, c'est eux autres. Là. Éditorial ici. Donc, elle avait un casque sur les oreilles, regardait son téléphone intelligent et une distraction qui serait à l'origine de l'accident. 2 arrêts de tram ont donc été équipés de LED rouges qui illuminent le sol dans le but d'attirer le regard des piétons qui seraient un peu trop distraits. Les lumières clignotent lorsqu'un véhicule est à l'approche pour signaler aux promeneurs qu'il ne faut plus avancer. Je suis sûr qu'ils verront même pas ces lumières-là tellement ils vont être absorbés sur leur Snapchat. Les habitants de la ville sont nombreux à critiquer la démarche qui correspond selon eux à un gaspillage d'argent, voilà, comme j'ai dit. Mais la municipalité souhaite éviter au maximum que les accidents où il y a un usage distrait des smartphones se reproduisent. Elle envisage, n'en déplaise aux opposants au programme, de développer davantage cette signalétique dans l'année. Ça va coûter énormément d'argent, c'est nous autres qui va payer pour ça. Les dangers d'un usage trop impliqué du smartphone par les piétons distraits par cette activité ne sont hélas pas nouveaux. Aux États-Unis notamment, de nombreuses études démontrent que les piétons se mettent dans des situations dangereuses alors qu'ils écrivent des SMS ou surfent sur Internet en marchant. L'utilisation d'un casque ayant tendance à renforcer les risques. Évidemment, si tu fais les deux en même temps, le téléphone est en train de tap-tap-tap-tap et en plus de la musique sur les oreilles. Hey, le double whammy. Le ministre américain des Transports s'est penché sur le phénomène dès 2012. Il a rapidement établi une connexion claire entre la hausse des accidents mortels impliquant les piétons et les usages mobiles. Certains diraient que c'est de la sélection naturelle. Un robot maintenant qui n'est peut-être pas aussi impressionnant que Robocop, nous dit Huffington Post Québec, mais ce robot anti-émeute existe en Chine. Quand on imagine un policier robot, on pense évidemment à Robocop ou encore aux humanoïdes du film Chappie, pas un croisement entre R2-D2 et un climatiseur mobile, nous dit-il. Et pourtant, c'est comme ça que l'Université nationale chinoise de la défense a imaginé Anbot, le premier robot antiterroriste et anti-émeute en Chine. Le People's Daily, un journal officiel du Parti communiste chinois, explique que ce drôle de robot a été dévoilé le 21 avril lors d'une foire high-tech à Chongqing. Haut de 150 cm pour un poids de 78 kg, Anbot est capable d'atteindre les 18 km/h. Même sa vitesse de patrouille tourne plutôt autour des 1 km/h avec 8 heures d'autonomie. Par contre, pour descendre les escaliers, il faudra attendre une nouvelle version. Selon le quotidien du parti, le robot est doté de différents capteurs mimant le cerveau, les yeux et les oreilles de l'humain. Rendu possible grâce à des innovations dans la navigation autonome et l'analyse vidéo. Le robot dispose d'un bouton SOS permettant à toute personne en détresse d'appeler la police en cas de problème. Par contre, et là c'est beaucoup moins drôle, le People's Daily explique sans plus de précision que si des personnes se retrouvent autour de Anbot face à des menaces de sécurité, les agents contrôlant à distance le robot peuvent déclencher un outil électrique de contrôle des émeutes. Une définition très floue qui fait peut-être peur un peu. Contrôle des émeutes, poivre de Cayenne, quelque chose. Parlons de nouvelles qui font peur. Des salariés sont surveillés la nuit avec un Fitbit. Une entreprise américaine pose un nouveau jalon dans la surveillance des salariés. Elle leur propose un bracelet Fitbit afin de mesurer leur sommeil et récompenser leur bonne nuit. Donc, si vous dormez bien, vous touchez une prime. C'est la promesse que fait la société d'assurance américaine Aetna et ses salariés qui veut miser sur leur bien-être dans l'objectif qu'ils soient plus productifs. S'ils prouvent qu'ils enchaînent 20 nuits de 7 heures de sommeil ou plus, ils se verront offrir 25$ par nuit, plafonné à 500$ par année, a expliqué le PDG à CNBC. Pour mesurer la durée de sommeil de ses salariés, Aetna leur a fourni un bracelet connecté Fitbit. Cette initiative s'inscrit dans un programme plus large de promotion du sommeil et de la méditation dans cette société et dont les premiers résultats seraient concluants. En partenariat avec l'Université Duke, Aetna a constaté 69 minutes de productivité mensuelle en plus par travailleur après quelques mois de tests. Je cite, si nous pouvons améliorer les fondamentaux de notre entreprise en investissant dans nos salariés, alors cela se verra, oui, dans notre chiffre d'affaires. s'est félicité le PDG, dont les préconisations en matière de sommeil se basent sur les recommandations de l'Institut national de la santé, qui conseille entre 7 et 8 heures par nuit. Sauf que derrière cet investissement dans le bien-être des salariés se niche leur surveillance. Dans un premier temps, les employés d'Aetna n'entrant pas dans les critères ne toucheront pas de primes, mais pendant combien de temps l'employeur va considérer comme acceptable que ces personnes ne jouent pas le jeu, qu'elles refusent de vouloir augmenter leur productivité, et si elles n'ont pas besoin de dormir 7 heures par jour pour dormir, demande l'article. Si la pratique s'étendait, cet assureur pourrait proposer des services à des entreprises qui mesuraient, par exemple, le sommeil des salariés en période d'essai. Ceux qui dorment le moins présenteraient alors un gros risque de défaillance que les autres et seraient peut-être mis sur le carreau. Pour l'instant, bien sûr, les choses sont loin d'être présentées sous ce jour. Dans son rôle qui est le sien, l'assureur récompense les bons usages. Alors que le droit à la déconnexion fait parler de lui, et la connexion passive qui entretient un lien de subordination constant entre le salarié et l'employeur et risquant d'influencer ses agissements dans sa sphère censée être privée. Au-delà de juste proposer un espace d'entraînement dans ses locaux, une entreprise pourrait être tentée à l'avenir de mesurer si les employés font du jogging, ne boivent pas trop d'alcool, manquent d'équilibre, mangent équilibré, pardon. Voilà. Donc c'est une question qu'on se pose. Pour l'instant, on vous promet de bonnes choses, mais dans le futur, ça pourrait être vous menacer de mauvaises choses. Toujours chez l'enquête envers les salariés américains, maintenant des salariés, on s'en va en Europe, voilà, en Europe, oui, qui sont pistés grâce à un porte-badge RFID. Les 3000 salariés du groupe pharmaceutique Sanofi travaillant à Gentilly sont suivis à la trace par une puce RFID. Les données seraient anonymes et les syndicats veulent des preuves. Arrêt en salle de pause, déambulation dans les couloirs, passage au quatrième étage, pause de toilette. Depuis le 6 avril, les 3000 salariés du campus Sanofi de Gentilly dans le Val-de-Marne en France sont suivis à la trace par une puce RFID installée dans leur porte-badge, selon Liaison Sociale. Un contrôle anonyme d'après l'entreprise, mais qui, aux yeux du syndicat FO, comporte un risque d'identification et accentuerait la pression sur le personnel. Dans ce campus où personne n'a de bureau attitré, l'instauration de ce traçage n'a pas vocation à suivre les flux, mais de gérer de façon simplifiée l'occupation de l'espace, comme la disponibilité des salles de réunion, des bulles, les heures d'affluence au restaurant d'entreprise, etc. Donc on dit, c'est un délégué FO du syndicat, donc il dit, même avec le porte-badge anonymisé, il est facile de faire un lien entre cette puce et celle du badge qui sont activées ensemble quand on passe les contrôles. Ce nouveau dispositif combiné à l'installation de caméras de surveillance panoramiques, y compris dans les espaces de détente, détériore un climat déjà jugé délétère par les syndicats, alors que le groupe est engagé dans un plan de 600 départs volontaires et que des salariés sont licenciés pour défaut de performance. Hasard du calendrier, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le CNIL, remettait deux jours après l'arrivée des puces RFID chez Sanofi son rapport d'activité 2015. Rapport d'activité dans lequel elle pointe justement du doigt une hausse annuelle de 16% de la surveillance des salariés opérée grâce à de nouvelles tendances comme la géolocalisation avec un bracelet connecté ou la surveillance vidéo via smartphone. Dans le cas de la géolocalisation, aucune autorisation de la CNIL n'est nécessaire si les informations restent anonymes, mais si le personnel est identifiable, alors un accord de la Commission est nécessaire. Et les salariés doivent être informés des finalités de la collecte. En ce qui concerne Sanofi, une preuve d'autorisation de la CNIL a été demandée par le syndicat FO, mais elle demeurait lettre morte pour l'instant. On vient maintenant sur deux grosses attrapes qui ont fait fureur sur Internet depuis les dernières semaines. Donc une start-up, pour commencer, des branchies artificielles pour respirer sous l'eau qui font polémique sur Indiegogo. Donc une start-up suédoise a défrayé la chronique sur Indiegogo avec une campagne de financement d'un système de branchies artificielles permettant soi-disant de respirer sous l'eau. Les scientifiques disent que c'est complètement faux. Respirer sous l'eau où était un poisson sans se soucier de manque d'air, tout du moins pendant plusieurs dizaines de minutes. Telle est la promesse de Triton, un système de branchie artificielle développée par une start-up suédoise nommée Triton Gills. Cette dernière a lancé fin mars une campagne de financement participatif visant à recueillir 50 000 $ pour fabriquer son produit dont la livraison est évoquée pour la fin de l'année. Rapidement relayée dans les médias, la campagne a récolté, j'ai fait attention pour ne pas en parler parce que ça avait l'air trop beau pour être vrai et la nouvelle est sortie quelques jours plus tard, par hasard total. Donc la campagne a récolté très rapidement énormément d'argent, atteignant 800 000 $ en quelques jours, mais c'est là que les experts ont plongé et les scientifiques ont commencé à s'intéresser au projet et à mettre en garde les internautes face à ce qui semble, selon eux, un produit plus que douteux. La proposition des Suédois est de récupérer l'oxygène présent dans l'eau par le biais d'une membrane dont les trous sont plus petits que les molécules d'eau. L'oxygène serait ensuite extrait et stocké à l'aide d'un micro-compresseur à l'intérieur des branchies artificielles, ce qui permettrait aux plongeurs de respirer aussi tranquillement que s'il était équipé d'un tuba qui sort de l'eau. Un système annoncé viable jusqu'à 4,5 mètres de profondeur. L'entreprise a beau expliquer qu'elle utilise un microprocesseur très puissant, spécialement optimisé pour l'occasion. Les experts en la matière ont eu peine à croire qu'un tel système était viable. Selon certains observateurs, il faudrait que le système filtre entre 40 et 90 litres d'eau chaque minute pour permettre aux plongeurs de respirer sous l'eau. Par ailleurs, la quantité d'oxygène ne suffit pas. Il faut aussi avoir un volume d'air suffisant à inhaler, au moins 0,5 litres par respiration. C'est difficile d'imaginer qu'un produit vendu 300$ soit capable de réaliser une telle prouesse, à côté de laquelle seraient passées les armées du monde entier notamment. Par ailleurs, l'autonomie annoncée de 45 minutes s'avère très ambitieuse. Les critiques autour du produit ont entraîné un bad buzz, selon Quebec.com, qui a poussé donc des centaines de backers à se désolidariser du projet dans les jours qui ont suivi et à demander le remboursement de la somme engagée, mais la campagne est loin d'être abandonnée. Contrainte de rembourser plus de 500 000$, l'équipe de Triton Gills est finalement sortie de son silence pour donner de nombreux détails concernant le fonctionnement du Triton. On apprend que celui-ci fonctionne à l'aide d'oxygène liquide qui, combiné à d'autres composants, permettent à l'utilisateur de respirer sous l'eau. Il n'est donc pas question de respirer sous l'eau par magie. Le Triton embarque un cylindre d'oxygène liquide d'une durée de vie de 2 fois 45 minutes. Oui. Passé cette durée, il faudra donc la remplacer avec un cylindre neuf. Les branchies artificielles ne pourront pas fonctionner sans et l'acheteur devra donc en acquérir un grand nombre s'il désire plonger longtemps. Dans la foulée de sa longue explication qui prend la forme d'une mise à jour de la campagne, la startup a publié une vidéo de démonstration de 12 minutes en plan séquence, donc sans montage, qui montre une personne utilisant le Triton dans une piscine. La vidéo semble démontrer que le Triton fonctionne. Néanmoins, avec les nouvelles explications de la start-up, la promesse n'est plus la même. Il ne s'agit plus de respirer comme un poisson en filtrant l'air, mais d'utiliser de petites bouteilles d'oxygène qui devront être achetées séparément. L'entreprise se défend en expliquant qu'elle souhaitait protéger sa technologie exclusive, car c'est la clé du succès. Mais les nombreuses démonstrations de perplexité l'ont poussée à communiquer davantage. On peut également s'étonner du fait que dans les contreparties, donc ça c'est les avantages quand tu donnes de l'argent, il n'est jamais fait mention des fameux cylindres d'oxygène liquide. Triton Gills affirme être en train de finaliser son offre, aussi bien en matière de tarifs que de propositions de recyclage pour les rendre réutilisables. Une logistique qui peut s'avérer complexe, loin de la proposition de base qui évoquait un usage aussi simple que celui d'un tuba. Si la campagne de financement affichée en date de l'article, on va aller voir la mise à jour pour voir si ça disait 270 000$, mais en ce moment on est à... attention... 420 000, donc ils sont à 841% de leur objectif de 50 000 avec 1045 donateurs. Il reste encore 3 jours, ça va très très bien. La promesse de base a pris des tournures de plaisanterie. L'homme n'est pas encore prêt à respirer sous l'eau tel une sirène et ce n'est sûrement pas Triton Gills qui lui apportera la solution en décembre prochain. Donc allez voir l'article et la vidéo sur assemblagerequis.com. Une autre attrape. Il y en a beaucoup. Un vrai pistolet qui prenait la forme d'un zapper de Nintendo NES qui a fait réagir la toile. Fabricant d'armes à feu a créé l'émoi sur Internet en dévoilant un pistolet très proche du zapper qui accompagnait la NES. Le constructeur a dû clarifier les choses. Precision Syndicate est un fabricant d'armes à feu américain qui ne s'attendait sans doute pas à de telles réactions lorsqu'il a publié sur sa page Facebook un Nintendo Zapper transformé en Glock. Une authentique arme à feu qui reprend le look d'un jouet vendu dans les années 90 pour jouer à Duck Hunt, entre autres. Les deux photos de cette arme custom qui tire de vraies balles à susciter l'émoi sur le réseau social. La plupart des réactions pointent du doigt le caractère dangereux de l'arme dans le sens où elle peut être prise pour jouer par les enfants. En l'espace de quelques jours, la publication est devenue virale et a entraîné plus de 8500 commentaires. De nombreux détracteurs sont présents, mais également des internautes qui estiment qu'il est facile de différencier d'un vrai zapper de ce modèle. Qui estime qu'il est facile de différencier un vrai zapper inoffensif du modèle de Precision Syndicate qui peut s'avérer mortel. Le buzz a poussé l'entreprise à réagir quelques jours plus tard via une nouvelle publication. Je cite « Nouvelle de l'affaire de Nintendo Glock, nous avons le sentiment que les médias et nos fans doivent savoir que cette arme à feu n'est pas destinée à une production de masse et ne le sera jamais. Il s'agit en fait d'un modèle personnalisé destiné à l'un de nos amis. » Compte tenu des milliers de mails et autres messages que nous avons reçus en l'espace de 2 jours, nous sommes dans l'incapacité de répondre à tout le monde en peu de temps. S'il vous plaît, soyez patients. Cette mise à jour n'est clairement pas étonnante. On imagine difficilement Nintendo donner son approbation pour qu'une telle arme soit officiellement produite. Néanmoins, la réaction épidermique des internautes pour un objet que l'entreprise a qualifié de son côté de super démontre, s'il le fallait, que les armes à feu sont un sujet vraiment sensible. On va en Inde avec un bouton d'alerte obligatoire sur les téléphones pour contrer les viols. Tous les nouveaux téléphones vendus en Inde à partir de 2017 seront équipés d'un bouton d'alerte pour les femmes en danger, d'après l'annonce du ministère des Télécommunications indien, repéré par Mashable. En 2018, un système de navigation GPS devra obligatoirement être intégré à tous les appareils. Sur les téléphones actuels, il faut appuyer sur les boutons 5 et 9 du clavier, tandis qu'à venir, il sera demandé aux fabricants, Samsung et Apple, entre autres, d'introduire dans les téléphones un bouton spécifique d'envoi d'alerte. Il devra suffire d'appuyer longuement sur le bouton d'alerte ou d'allumer et d'éteindre son téléphone 3 fois rapidement pour envoyer l'alerte. Le bouton en question renverra à un numéro d'urgence, mais il n'a pas encore été rendu opérationnel. La navigation GPS embarquée permettrait par ailleurs à la police de localiser les appels plus rapidement. Alors, cette annonce, plusieurs entreprises ont développé des applications similaires pour téléphones intelligents, connues sous le nom de Safety Pin ou de Be Safe. L'application Uber a également inclus un bouton panique qui alerte à la fois le commissariat local et les contacts de la personne agressée. Après la vague d'indignation dans le pays, liée aux nombreuses violences sexuelles envers les femmes qui se sont propagées dans le monde grâce aux réseaux sociaux, le gouvernement indien cherche à renforcer les procédures de sécurité et d'alerte des autorités. Or, les chiffres officiels font état d'un viol toutes les 30 minutes. La police risque d'être constamment débordée. Elle a aussi mis en place depuis février 2015 des cours d'autodéfense pour les femmes où elle enseigne aux collégiennes un art martial baptisé le Prahar. Donc évidemment, c'est sûr qu'on ne peut faire autre chose que d'encourager ce genre de processus de bouton. C'est sûr que ça va seulement être dans les pays où c'est demandé par la loi. Donc on risque pas de voir ça ici tant qu'on n'aura pas une loi pour ça. Un artiste allemand qui guérit un peu les blessures du monde en termes esthétiques, des ponts, etc. avec des blocs Lego. Donc, déposer des morceaux de Lego dans les endroits où ils ne devraient pas être, c'est considéré comme de l'art. C'est l'artiste allemand nommé Jan Vormann qui voyage dans le monde depuis 6 ans en remplissant les creux, tu sais, les bâtisses où il y a des problèmes de, je sais pas, après des tremblements de terre ou après des différentes choses qui ont fait que les bâtisses ou les ponts, les viaducs ont été endommagés. Il remplace ça par des blocs Lego. Donc, allez voir, il y a une map interactive sur son site web qui montre des photos de 40 villes qu'il a visitées aux États-Unis, en Europe, en Amérique centrale et en Asie. Peut-être que vous avez déjà vu ses œuvres sans savoir que c'était lui. Donc allez voir les photos sur assemblagerocky.com, c'est pas mal cool. Une nouvelle de dernière heure s'est sortie ce matin. La nouvelle console de Nintendo a été confirmée par le constructeur japonais, mais on devrait attendre l'année prochaine, donc ce serait en mars 2017. Actuellement connue sous le nom de Code NX, la future console de Nintendo vient de bénéficier d'une annonce officielle de la part de l'entreprise à l'occasion du rapport de clôture de son année fiscale 2016. La firme a donc décidé de ne pas attendre l'E3 pour confirmer le lancement de sa nouvelle machine, qui n'aura pas lieu avant mars 2017, soit à la fin de la nouvelle année fiscale de Nintendo. Je cite, pour notre secteur dédié aux plateformes de jeux vidéo, Nintendo développe actuellement une nouvelle plateforme de jeu répondant au nom de Code NX avec un tout nouveau concept. La NX sera lancée en mars 2017 à travers le monde. Résume Nintendo. Aucun détail concernant le concept en question. Tout ce que vous avez vu passer, ce ne sont que des rumeurs. À l'heure actuelle, Nintendo n'a pas donné d'informations sur la manière dont sa présence va se traduire à l'E3 2016. Les années passées, il y a plusieurs années, il y avait un stand, mais récemment, c'était seulement une conférence en ligne, une conférence de Nintendo direct, préenregistrée et diffusée pendant les heures de l'E3. On sait tout de même que le nouveau volet de la franchise The Legend of Zelda s'affichera largement durant l'E3. Le jeu devrait sortir sur Wii U en 2016, mais il vient d'être décalé à 2017. Il arrivera donc sur Wii U, mais également sur NX probablement en même temps, nous dit l'article. On imagine cependant que Nintendo présentera le jeu sur Wii U en jeu prochain et ne montrera pas ce que ça donnera sur la version NX, à moins que l'entreprise ne décide à dévoiler la console en même temps. L'année 2016 semble en tout cas bien partie pour être une période un petit peu maigre pour les possesseurs de Wii U en attendant la prochaine console l'an prochain. Voilà, c'est tout pour CNX. Allons-y avec le top des jeux les plus loués en club vidéo. En 10e, Fallout 4 sur PS4. En 9e, Super Mario All-Stars sur la Wii. En 8e, Tom Clancy's The Division sur Xbox One. En 7e, le même jeu sur la PS4. En 6e, MLB 16 The Show sur PS4. En 5e, Bravely Second and Layer sur 3DS. En 4e, Ratchet & Clank sur PS4. En 3e, Dark Souls 3 sur Xbox One. En 2e, le même jeu sur la PS4. Et en 1e, c'est Star Fox Zero sur la Nintendo Wii. Voilà pour les jeux les plus loués en club vidéo. Maintenant, on retourne en chiptune. On s'en va entendre une pièce de B3, voici Studying Theme. C'est tout court, c'est tout bon. MPS. Le Mathieu Ponchon, ça c'est fou. We'll be right back. Gamblick avec une pièce originellement de J-Red, PSG Strut. La pièce de J-Red, la version originale, j'avais déjà fait jouer ici à l'émission, j'avais adoré. Donc ce remix-là est par Dia Gamblick et c'est tout aussi bon. Avant ça, avant la pause, c'était B3 avec Studying Theme. Maintenant, c'est un fait Tech Edition. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la collecte des choses visibles, véritables et vérifiables dans l'histoire et dans le monde de la technologie, c'est un fait Tech Edition. La dernière fois qu'on a fait c'est un fait, c'était au milieu du mois de mars. Oui, oui, ça fait un mois et demi de ça. Et donc, on était rendu au 10 mars. Et allons-y avec 1876, où Alexander Graham Bell a finalement fini par dire les mots immortels. Monsieur Watson, venez ici, j'ai besoin de vous. Sur son téléphone, dans son laboratoire de Boston, amenant donc son assistant dans la pièce d'à côté. On dit que c'est la première fois que quelqu'un utilisait cette technologie téléphonique-là, alors qu'ils auraient pu juste se lever et aller lui demander de venir. Hein? Ça a peut-être accéléré la paresse un petit peu. En 1891, Almon B. Stroger a reçu un brevet américain pour son système de switch électromécanique pour automatiser les échanges téléphoniques. Donc, c'est pas la première fois qu'on pensait à un switchage automatique. C'est pas la première personne à y avoir pensé, mais c'est la première personne à l'avoir fait, finalement, en recevant le brevet. Le 11 mars... En 2011, si on vient avec des affaires récentes, en 2011, Apple a commencé à vendre le iPad 2, une version plus mince de son premier iPad, qui incluait aussi une caméra. Hein? Et en 1985, la Southern New England Telephone Company a allumé son réseau ComNet. C'était le premier réseau local public qui envoyait donc un packet switching qu'on appelle. Les clients pouvaient accéder à CompuServe, NewsNet et plusieurs autres services à 4800 jusqu'à 56000 bits par seconde. Le protocole X25 du service est devenu obsolète en 1990 avec la popularité du protocole Internet Protocol, donc le IP, ce qu'on utilise maintenant. Le 12 mars, en 1989, Tim Berners-Lee a écrit un papier proposant un système de gestion de l'information qui est devenu la fondation du World Wide Web. À l'époque, il appelait ça le MESH, M-E-S-H. En 1923, l'inventeur Lee DeForest a fait la démonstration du Fujifilm film à la presse. C'est la première machine d'image avec des mouvements qui avait du son sur sa piste aussi. Donc c'était son et image en même temps. C'est en 1923. Le 13 mars, 1882, tiens, à la Royal Institution, Edward J. Muybridge a fait la démonstration du zoopraxiscope, un appareil optique qui montrait des photos d'animaux en mouvement. On dit des fois que c'était la première fois qu'on avait un projecteur de film. Donc c'était en 1882. Le 14 mars, en 1994, Linus Torvalds a posté sur comp.os.linux pour annoncer que le Linux kernel version 1.0 allait arriver. En fait, il était arrivé à ce moment-là, donc c'était la première fois qu'on avait la version 1.0 de Linux. En 2013, Samsung annonçait le Samsung Galaxy S4, un téléphone qui allait sortir au mois d'avril, avec une présentation basée sur influencée un petit peu par Broadway, qui a été pas mal critiqué à l'époque. Ensuite, le 15 mars, en 1985, Symbolics, une compagnie d'ordinateurs au Massachusetts, a enregistré le premier nom de domaine .com sur Internet, donc Symbolics.com. Le domaine est maintenant la propriété d'une compagnie d'investissement qui l'utilise comme marketing. Les restes de la compagnie Symbolics ont survécu de façon altérée un petit peu sur Symbolics-DKS.com. En 2004, Nicholas Jacobson a posté sur un forum qu'il avait réussi à hacker le réseau de T-Mobile qui avait volé des informations de vedettes majeures comme Paris Hilton. Jacobson a plus tard été accusé de deux fois d'avoir violé le US Computer Fraud and Abuse Act. Le 16 mars, en 1999, Sony a sorti le jeu EverQuest, un jeu massivement multijoueur. En 3D, on pouvait jouer le rôle d'un sorcier, donc un wizard, un rogue ou un knight. C'était suivi 2 ans plus tard par Ultima Online et plusieurs années plus tard, on allait sortir World of Warcraft. Donc c'était un des prédécesseurs. En 1999, Mac OS X Server 1.0, le précurseur de OS X version desktop, version de bureau, nom de code Hera, H-E-R-A, est sorti. Le 17 mars, en 1953, le chercheur australien David Warren a eu l'idée d'un appareil qui a enregistré le bruit dans le cockpit des avions et les différentes données des instruments pendant le vol. Ça s'appelait le ARL Flight Memory Unit, qui allait plus tard devenir ce qu'on appelle maintenant la boîte noire. Le 18 mars, en 2015, Sony lançait son service de télé-internet PlayStation View à New York, à Chicago et Philadelphie. Pour $50 par mois, les gens qui étaient inscrits avaient droit à 50 chaînes et la possibilité d'enregistrer des émissions dans le nuage jusqu'à 28 jours. Donc ça, c'était en 2015. En 1987, des milliers de physiciens se sont rassemblés dans une salle au New York Hilton avec l'American Physical Society pour entendre des gens parler, faire des discours sur la superconductivité à haute température. La session a débuté le soir et a duré jusqu'à 3h15 du matin, donc on a appelé ça le Woodstock de la physique plus tard. En 1931, Jacob Schick a commencé à faire le marketing de son premier rasoir, de son deuxième pardon, rasoir électrique. Le premier n'avait pas été populaire à cause d'un gros moteur. Le deuxième, par contre, est devenu un énorme succès. Schick, évidemment, on connaît la compagnie Schick. Le 19 mars, En 1474, en 1191, le brevet américain numéro 5 millions a été donné au microbiologiste Lonnie O. Ingram de l'Université de la Floride. C'est un processus qui changeait les déchets en gaz. Donc, cette méthode dépendait de la création d'une nouvelle espèce de bactéries génétiquement formées à partir de deux autres bactéries. Donc, ça, c'était en 1991. Le 20 mars, maintenant, on va passer au 21 mars, des trucs scientifiques, je m'y connais pas trop. Donc en 2006, Jack Dorsey a envoyé le premier post sur Twitter qui disait « Just setting up my Twitter », donc je suis en train d'installer mon Twitter, TWTTR, qui était le nom à l'origine de Twitter. C'était donc Twitter, TWTTR, l'appellation d'origine, oui, du site, qui était utilisée à l'interne pendant les 4 premiers mois. 22 mars, les Frères Lumière en 1895 ont montré leur premier film devant public. C'était une comédie romantique, c'était surtout des femmes qui ont vu cette diffusion-là. En 1981, RCA a sorti le SelectaVision Videodisc, le SFT-100W. Ça a commencé à être vendu, donc la machine utilisait des disques à capacitance électronique pour qu'on puisse mettre dessus plusieurs heures de vidéo sur un disque de vinyle de 12 pouces. Ça se vendait pour $15 à l'époque. En 1993, la corporation Intel a envoyé donc la première puce Pentium avec des CPU de 60 et 66 MHz. Mm-hmm. 23 mars. Je vais en sauter quelques-uns. J'ai envie qu'on passe à travers de ce mois-là pour finalement se rendre à autre chose. 24 mars, en 2001, Apple sortait son nouveau système d'exploitation Mac OS X, dont le code Cheetah, avec un prix de vente de $130. On sait que maintenant, c'est rendu gratuit, mise à jour de OS X. 25 mars, en 2014, Facebook annonçait qu'ils allaient acheter Oculus VR, ceux qui fabriquent Oculus Rift, le casque de réalité virtuelle, pour $2 milliards. En 95, Ward Cunningham a installé le premier WikiWeb, sur un ordinateur de $300 que quelqu'un lui avait donné. Il a connecté à Internet à utilisait son modem à connexion téléphonique de 14,4 bauds, évidemment. Hein? Le 26 mars, Larry Page est né, 1973. C'est lui qui a inventé et cofondé Google. Le verre Melissa a commencé en 1999 sur un fichier sur le forum alt.sex.usenet. En fait, c'était pas un forum, c'était un groupe Usenet et c'est devenu le premier verre qui était envoyé en masse. Le créateur du verre, David L. Smith, avait apparemment nommé le verre en hommage d'une danseuse en Floride. Pourquoi pas? 27 mars, première communication à longue distance par téléphone en 1884. Bell et Watson qui faisaient des expérimentations, des expériences avec une ligne de cuivre, fil de cuivre qui connectait Boston à New York. Ça a fonctionné pendant environ 90 minutes avant de finalement tomber ou ne plus fonctionner. Le 28 mars, rien d'intéressant, je pense. Là, on va aller avec le 29. Est-ce qu'il y a quelque chose de 29 une fois, 29 deux fois, 29 trois fois? En 1941, 80% des fréquences radio AM ont été réassignées à de nouvelles chaînes, de nouveaux canaux. Ça faisait partie du North American Radio Broadcasting Agreement. Le 30 mars, toujours dans les téléphones, en 1950, Bell Telephone Laboratories ont annoncé l'invention d'un nouveau type d'œil électrique nommé le phototransistor. Le docteur John Northrop Shive avait inventé le transistor qui opérait avec la lumière à la place d'opérer avec l'électricité. Et finalement, le 31 mars, en 2013, IBM a éteint son super ordinateur Roadrunner, le premier ordinateur qui avait fonctionné à plus de 1 petaflop. Okay. En 1998, après 3 ans de développement et beaucoup de travail avec le moteur Warcraft sur lequel il avait été construit à l'origine, Blizzard a annoncé la sortie future du jeu populaire Starcraft. Ça, c'était en 1998. En 1993, Richard Depew a accidentellement posté 2 messages identiques sur news.admin.policy, un autre use group, alors qu'il testait un logiciel d'automodération. C'est devenu le premier post sur Usenet qui a été référé comme étant du spam. Évidemment, 200 messages, ça, c'est pas mal du spam. Voilà, c'est tout pour le bloc C'est un fait Tech Edition. On va terminer l'émission là-dessus. Colin, déjà, l'émission a tellement passé vite aujourd'hui. On avait tellement de matériel et pas de chroniqueurs, donc j'ai pas arrêté de parler. J'espère que c'était pas trop pire pour vous. On se retrouve la semaine prochaine, toujours les mercredis, entre 15h et 17h. En rappel, les jeudis à 14h. Je vous retrouve aussi à Assemblage requis les mardis de 15h à 18h. Consultez la programmation complète sur cif.ca. Retrouvez les notes de l'émission et les balados de diffusion sur assemblagerequis.com. On se retrouve avec une pièce de Pixel Dragon qui s'appelle The Wizard's Path. Restez là pour Audiomatique pour les auditeurs du mercredi. De la part de toute l'équipe du Mathieu Plante, c'est Mathieu Plante et vous avez été plantés! Bye bye!